Et merci à tous pour cette semaine. Elle était longue cette semaine pour toi, Karl. J'ai bien bossé, hein, franchement. J'ai travaillé lundi et là, je suis en week-end. Hein. Ça fait plaisir, franchement. On va retrouver nickel, nos limites. Mec, il branle non, rien. Non, tu fais la permanence, du coup. Tu reviens demain et samedi, toi. Pour Party Fun. Non, non, parce que je suis encore un peu malade. Et le bienvenu nous intoxiquer tous. Qui sera absent lundi? Suspense. Ah bah écoute, profitez. Hein. Vous avez une excuse en tout cas pour ne pas venir travailler lundi. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Ça va bien. Oh, dis donc, je suis content de pas être avec vous ce soir. Ah bon? Vous êtes avec le sous-chef là, il nous aura pris la tête et tout. T'as vu? Il est collé, il nous fait. Alors merde, excusez-moi, sous-chef. Il va venir te frapper, il a deux doigts d'arriver. Parce qu'il y a la haute sphère, Jérôme, puis le sous-chef et puis il y a le sous-chef quoi. Pedro, dis bonjour. C'est Pedro qui est avec nous. Bah, Pedro, bonjour. Voilà. Ah, quelle voix dégueulasse. Calme-toi, on va mettre de la musique, mec. Hein. Bah, si tu veux, oui, pas de problème. Ah, c'était Mickaël Nolich. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai du Nirvana qui est prévu, si tu veux, Pedro. Oh. Non, ça va aller. Bon, bah, très bien. Bon, on va laisser Post-Caca rentrer à la maison. Post-Caca. Bah, écoute, appelle-moi comme tu veux. Magnifique. Ne t'inquiète pas, le jour où tu auras une gastro, je serai mon souvenir. Écoute, je l'ai dit tout à l'heure, là, je n'ai jamais eu de gastro, en fait. Ah, ça manque. Est-ce que c'est normal, Doc? Viens faire la bise. Viens que je te fasse une bise. Viens faire la bise. Carrel, il va te filer la gastro, comme ça tu vas voir. Non mais tu vas pas mourir idiot, il faut que tu aies une gastro. Non mais oui, mais j'ai jamais eu. Pourtant Toff, il a ça chaque année et j'ai jamais eu de problème, c'est bizarre. Carrel, il va te la filer, il y a pas de problème. D'accord, bon bah alors me voilà rassuré, très bien. Justement, je préfère qu'il reste loin, moi, Carrel. Ouais, c'est mieux, ouais. Bon bah bonne soirée à vous et bon week-end. Bisous, bon week-end, merci tout le monde. Salut à vous, ciao. Allez, on est parti jusqu'à 2h sur Fun. Ciao. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No limit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Exact. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est parti pour la dernière émission de la semaine de 23h à 2h du mat. Mais on revient évidemment dimanche à 20h pour une nouvelle semaine avec vous. Et puis n'oubliez pas de dire à tout le monde autour de vous, même aux gens d'ailleurs que vous ne connaissez pas, que vous croisez dans la rue, qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir et la nuit également à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe. N'est-ce pas Florian qui est pour le coup déjà avec nous, hein. Salut Flo. Salut Mickaël, salut. Ça va Flo? Ça va Flo? Ça va. Bon, très bien. Alors Florian, qu'est-ce qui t'amène mon grand? Bah en gros, je suis amoureux d'une fille. Jusque-là, ouais. C'est plutôt pas mal. Et sa meilleure amie me fait des avances et m'envoie des photos d'elle nue. Ah, sympa. C'est sympa. Ah, sympa. Ah, elle est plutôt bien. Elle est bien la meilleure amie ou pas? Non, pas du tout. Merde. Bon bah attends, on va en parler dans quelques minutes. Flo, là, bouge pas. T'as déjà fait la promo, hein, qui en fait un truc à écouter le soir à la radio, là. Ouais. À tes potes, à tes profs, à tout le monde. Bon bah très bien, bonne nouvelle. Bon Flo, reste avec nous. Si vous avez envie de venir délirer avec nous là, vous pouvez évidemment parler de ce que vous voulez. Vous prenez votre téléphone et vous faites le 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0 et puis vous tomberez sur Arikato Teshika. C'est le nom ninja de Sandro au standard là. Arikato Teshika. Ah bon? Oui, c'est toi. Ouais. C'est son nom de ninja. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais, nom de ninja de Sandro. Voilà. Ah, donc c'est sexy. Ouais, on dirait un plat de sushi. Exactement, ouais. Bah, si vous voulez faire le vôtre, allez sur le Facebook. Je l'ai mis tout à l'heure là. Une espèce d'image avec le A, ça veut dire TE par exemple. Le B, ça veut dire machin. Et puis vous mettez toutes vos lettres. Et donc, du coup, ça vous fera votre nom de ninja. Voilà, n'hésitez pas. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Et puis surtout, laissez bien sûr votre nom en commentaire, tout simplement. Hein, voilà. Il y a aussi Shimonori, c'est le pervers, hein, qui est là également avec tous ses amis. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Sur ma vie, je te nique ta mère. Voilà, on l'avait mal entendu. Sur ma vie, je te nique ta mère. Voilà, c'est ça. Donc il s'appelle Shimonori. Oh bah oui, voilà, j'aime beaucoup. C'est top, Shimonori. Comme par hasard, ça commence par chi. Oui. Exactement, c'est bizarre, ouais. Et puis le grand guerrier ninja également, c'est Nomotamo, qui est là également avec son sabre pipeau. Nomotamo. Oh la honte, ça me va bien, moi j'aime bien. Oh Nomotamo, c'est la honte. Appelez-moi Nomotamo dorénavant. Nomotamo, très bien. Bah, 17 et 32. Pas problème. 17 et 32 pour la Libadan. Bon, et puis moi c'est Rinky Meta. Ah bah alors. Ouais, ça Rinky, va. Bah c'est pas mal, moi ça fait un peu dessin animé comme Rinky, ça. Rinky, ça fait qu'un riz. Ouais, Rinky Meta, voilà, nouvel animateur, hein, ninja bien entendu. Donc si vous voulez faire votre nom ninja, vous allez maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. Je vous cale aussi le son de Pharrell Williams ce soir. Et le son de Happy. Il y aura aussi Demi Lovato. Il y aura Martin Garrix. Je vous calerai aussi la version 2014 de Cannonball Showtech. Il y aura aussi Shakira. Et puis j'ai envie de vous mettre un double Showtech ce soir. Avec un bon vieux Bouya. Enfin bon vieux, il a de l'été, hein, c'est pas ça, mais bon. Je vous le remettrai tout à l'heure, le son de Bouya, tiens. Voilà, un plaisir par où ça passera. Et puis si vous avez des sons à demander, n'hésitez pas, si vous voulez en proposer, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission ou alors sur le Facebook également, vous venez nous rejoindre, facebook.com/Mickaël officiel. Et vous pouvez bien évidemment réagir à l'émission avec le hashtag Mickaël pour participer. Il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission. Et puis à la fin de l'émission, on compte tous vos tweets. Enfin, c'est pas nous, hein, c'est un programme. Oui, c'est une machine. Ouais. Qui va compter tous vos tweets et puis on vous donnera le top 5 et c'est le numéro 3 ce soir qui repartira avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, et puis on va également se faire la colle avec Nicolas qui est avec nous. Salut Nico. Enfin Nico. Oui. Ah, j'ai eu peur avant que tu ne sois pas là. Bon Nicolas, la dernière colle de la semaine qui te permettra peut-être de repartir avec une GoPro, la Black Edition, la Hero 3 Plus. Ça vaut quand même 460 euros ou alors le casque Beats by Dre. Fais péter la colle, s'il te plaît, Nicolas. Alors, plus on en est prêt, plus on y pense, et quand on y est, on n'y pense plus. Que suis-je ? Alors, le trou du cul. Plus on en est prêt, plus on y pense, et quand on y est, on n'y pense plus. Qui suis-je ? Que suis-je ? C'est ça ? C'est ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, si vous avez la colle de Nicolas, eh bien vous envoyez Mickaël suivi de votre réponse au 64 900 ou alors au 6322 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi, je vous la mets dans 2-3 minutes là sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Je vous mets la colle dans quelques minutes pour que vous puissiez peut-être y répondre et repartir avec les cadeaux. Nicolas, je répète, plus on est prêt, plus on y pense. Et quand on y est, pardon, on n'y pense plus, que suis-je ? C'est ça, Nico ? Très bien. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, avant minuit, on donne la réponse. Et puis, bah si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il est appelé en direct à la radio, s'il donne la réponse à l'antenne, il gagne et tu perds, Nicolas. Et si jamais personne ne décroche quand on appelle, c'est toi qui gagneras, Nico. Ok. Voilà, tu bouges pas, Nico. On te reprendra encore quelques fois pendant l'émission, évidemment. Donc, allez-y pour les inscriptions. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, on va récupérer Florian maintenant, la Flo. Ouais. Bon, très bien, Florian qui est de retour. Alors Flo, toi tu nous avais appelé parce que bon, concrètement tu kiffes la mauvaise meuf quoi, c'est ça? C'est ça. En gros hein, évidemment. C'est-à-dire que tu kiffes une meuf et c'est l'autre, c'est sa copine, sa meilleure amie qui t'envoie des photos d'elle à Walpé. Voilà, c'est ça. Sympa. Moi ça me dérangerait pas, hein. Au pire bah, j'essaye de serrer les deux. Oui mais c'est ça, mais pourquoi tu t'essayes pas un peu, enfin pourquoi t'essayes pas de lui dire simplement que c'est l'autre que t'as envie quoi? Bah j'ai essayé plusieurs fois mais ça marche pas quoi. Et elle continue. Elle s'accroche. Elle s'accroche, ouais, ça c'est le problème. Et l'autre évidemment se décroche. Voilà, c'est ça. Ah oui, bah toujours. Ouais, bah, ouais, toujours, ça toujours. C'est. Mais t'as jamais celle que tu veux. Hein. Jamais. Quand tu l'as, tu veux plus. Ouais. Quand tu l'as pas, tu la veux. D'accord. Et quand tu la veux, tu t'as des autres. Exactement. C'est toujours pareil, toujours. On a jamais ce qu'on veut. Bah y'a que toi, lui, il s'en fout, lui, prend ce qui arrive. Il prend bah, tous les cajots, toutes les, voilà, oui, tous les déchets. C'est pas pour ça que je ne veux pas les autres. Ouais, oui, c'est mais pas tu faux. Les as jamais. Bah c'est non. Pas faux, c'est pas faux. C'est, ça reste ça. C'est-à-dire que moi, je prends ce qui vient parce que je peux pas avoir le reste. Voilà. Et les photos, c'est quoi les photos d'elle qu'elle envoie, grosso modo? Tout nu, quoi, on voit tout. Ah, elle met à Walpé carrément. Oh, c'est bon ça. Ah, oh là là. Putain, c'est bon ça. Dites-nous, tiens, si ça vous est déjà arrivé, tiens, de draguer une meuf et en fait, c'est la meilleure amie qui arrive. Et comme tu parles de photos, tiens, ça tombe bien que t'en parles. Est-ce que vous avez déjà vu Justin Bieber là? Est-ce que vous avez vu l'info avec Justin Bieber? Il a envoyé une photo de sa bite à Selena Gomez en lui demandant si elle ne lui manquait pas. La bite? Ah oui. Enfin, ouais, c'est ça, sa bite. Et en parlant de Justin Bieber, je vous ai mis une photo de Miley Bieber également sur le Facebook Miley de l'émission. Bieber. Oui, allez voir. Mais il a été encore arrêté aujourd'hui, ce con là, Justin Bieber. Ouais. Et ah conduit bon en état d'ivresse. Et en fait, il a fait une photo, tu sais, aux US, tu fais la photo, enfin partout, mais il fait une photo, photo pour ouais le casier. Et en fait, ce mec, le con, il sourit, c'est content. Bah oui, l'impression qu'il a. Non, il a l'habitude des shootings. Donc et en fait, il ressemble à Miley Cyrus, mais pas maquillé. Ouais. Donc je vous ai mis une photo sans maquillage et avec maquillage. Ça mourir de rire. Allez voir. C'est vrai, ça ressemble quand même, sérieux. C'est violent. La même coupe de cheveux et tout pareil. Donc facebook.com/Mickaël officiel, allez voir. Et puis venez nous dire si vous avez déjà envoyé des photos de sexe ou des photos de votre sexe à votre copain, copine, ex éventuel, etc., etc. Vous m'appelez, il n'y a pas de problème. Florian, tu restes donc avec nous. Il y a Armand également qui est avec nous de Clermont-Ferrand là. Salut Armand. Salut Mickaël, comment ça va? Eh ben, je vais peut-être la prendre une fois mon olympique. Bon, bah écoute, tant mieux. Alors Armand, toi, tu nous avais envoyé un message parce que tu avais une petite question à poser au Premier ministre. Oui, voilà, c'est ça, parce que j'ai un petit devoir à faire. Et puis bon, la flemme d'aller chercher sur Internet, en gros. Oui, bah exactement. Et comme Jean-Marc Hérault a déjà répondu à une question, c'était en allemand, c'est ça? Non, j'ai plus. Non, c'était aussi une question d'histoire, mais je sais plus, ça avait rapport à l'Allemagne. Et donc, en fait, tu lui envoies un tweet, il répond. Voilà, c'est ça. Il lui aussi avait la flemme, le mec, de faire le devoir. Du coup, il a demandé à Jean-Marc Hérault. Il a répondu. Donc, du coup, Armand, comme tu nous avais demandé de passer ce soir pour résoudre un éventuel problème, bah, je l'ai tweeté à Jean-Marc Hérault tout à l'heure. On va aller vérifier dans quelques minutes s'il a répondu. J'espère. D'accord. Jean-Marc, tu nous écoutes? Bah sinon on appellera directement le ministère quoi. Oui bah sinon enfin, on appellera Matignon. On appellera Matignon évidemment sans problème pour essayer de trouver une solution à ton problème. On va pas laisser les auditeurs comme ça sur le carreau, ce serait bien mal de nous connaître. Bon, tu restes avec nous du coup. Bah oui, reste avec nous Armand, on va revenir avec toi dans un instant. Florian et Armand, vous bougez pas, on est au cœur d'une heure sans pub. Ça c'est l'excellente nouvelle de la soirée. Et la deuxième bonne nouvelle également, c'est que ce soir, comme tous les jeudis, c'est canular. Si vous voulez eh bien faire un petit plan à votre copain, votre copine, vos parents, frères, sœurs, peu importe. Il y a des cadeaux à gagner, notamment les GoPro et les casques Beats by Dre. Si vous voulez, n'hésitez pas. Eh bien, vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0. On va refaire un tour du côté des noms de ninja. Je rappelle que sur le Facebook, je vous ai mis le truc hein, avec les codes pour transformer votre prénom en nom de ninja pour voir à quoi ça ressemble en nom de ninja. Tof, par exemple, c'est Attends, c'est quoi? C'est Shimonori. Polo, c'est Ninja Nomotamo. Et moi c'est Rinky Meta, voilà. Et Sandro, c'est, je l'avais noté tout à l'heure, Arikato Teshika. Voilà, on dirait un sushi, effectivement. Bon, allez-y, facebook.com/mikaelofficiel et Pharrell Williams ce matin. Le son de Pharrell Williams, à l'instant sur Fun Radio, c'était Happy. Bienvenue si vous arrivez, il est 11h15 sur Fun. On est en direct, hein, comme tous les soirs sur Fun Radio. Du lundi au jeudi, c'est Mickaël No Limit sur Fun. Et on est là jusqu'à 2h du mat. Et puis le dimanche, hein, dimanche, on sera de retour à partir de 20h sur Fun Radio. Il y a Alexandre qui dit aussi, moi je voulais sortir avec une meuf, mais sa sœur m'a envoyé une photo de et vidéo nue. Donc je suis sorti avec la meuf et je me suis tapé sa sœur en plan cul. Ça c'est bon. C'est bon ça, Alex. Magda également qui dit déjà que Magdalena c'est long. Ah oui, alors en ninja c'est pire, voilà ce que ça donne. Rinkajitekatakatoka. Oh putain, ouais là évidemment c'est un peu violent. Je rappelle que j'ai mis un truc sur le Facebook pour ceux qui arrivent où on peut transformer votre prénom en nom de ninja. Alors Nicolas dit je kiffe à mort, ça fait 2 semaines que je vous écoute, je pense avoir le droit à un message de bienvenue. Bah évidemment, et en plus un nouveau tiens. Voilà Nicolas, et puis bienvenue à toi. N'oublie pas d'ailleurs de prévenir tes potes qu'il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio, je compte sur vous. Il y a Steph également qui a envoyé son message qui dit moi c'est Arishi Kunorikato Kiku. Oh là là, le Kiku à la fin par contre te tue toi, hein, ouais. Je te préviens. Quant à Kili, je vous fais de la pub dans mon bahut depuis le début de la semaine, ça mérite un message de bienvenue s'il vous plaît. Bah bien sûr, évidemment, un petit message à l'étape là, regarde. De toute façon, moi je réponds pas aux cons. Hein. Eh ben voilà, merci Quentin pour la promo. Il y a Nicolas qui dit je te kiffe à mort, ça fait 2 semaines que j'écoute. Ah oui, je l'ai déjà lu, autant pour moi. Et puis India qui dit bonsoir à tous, et ben bonsoir India, bonsoir à tout le monde, tous ceux qui débarquent ce soir en direct sur Fun Radio. On est là jusqu'à 2h du matin. Bon, je viens d'apprendre une information dramatique. Qu'est-ce qui se passe? Extrêmement grave même. Il n'y a plus de sperme en Belgique. Ah bah non, tant mieux. Ouais, les banques de sperme sont totalement vides. L'année dernière, le centre de Louvain a reçu 65 donneurs, mais seule une vingtaine d'entre eux ont effectivement pu donner leur sperme. À Bruxelles, c'est pire. 54 candidats se sont présentés et 23 seulement retenus. Et puis à Gand, 65 candidats, seulement 6 ont été retenus pour c'est donner minable. Leur sperme. Oui, c'est pas terrible, effectivement. Donc il faut que tu ailles chercher un petit peu de sperme pour sauver la Belgique de la pénurie. Attends. Mais je pars immédiatement. Bah voilà, donc... Je chauffe ma mobilette et j'y vais. Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, tant mieux, chauffons la mobilette directement. Et si vous avez des numéros de téléphone évidemment à proposer pour que Tof puisse appeler ce soir familles, hein, tout simplement, afin de leur demander s'ils seraient prêts à donner un petit peu de sperme afin que on puisse envoyer ça en Belgique. C'est ça, juste une petite giclée. Bah oui, c'est ça, pas grand chose quoi. Une giclette. Voilà, pas grand chose. Pour sauver la Belgique. Sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, on va en parler, puis on va surtout faire des appels d'ici une dizaine de minutes. Il y a le prince là qui dit moi j'adore mon nom de ninja, c'est Tokatekika. Non, c'est quoi Tokatekika. Ouais, c'est pas mal. Il y a Nespa qui dit le nom de ninja c'est Rokatokuariarika. Putain, c'est pas facile. Hein. Bonsoir la team pour Let's Be Freaks. Bienvenue Let's Be Freaks. C'est Devers45 qui dit moi c'est Tekarokite, mon blaze en ninja. Pas mal. Et petit Pierre qui dit moi c'est Imatumi. Oh, c'est pas mal. Ah, j'aime bien ça, Imatumi. Ouais, Imatumi bien mal. Profond. Ouais, Imatumi complètement bien profond, effectivement. Bon, on va prendre également Thibaut avec nous maintenant, là, avant d'appeler Matignon pour essayer de sauver Armand de son devoir. Florian également qui kiffe une meuf et c'est la meilleure amie qui lui envoie des photos d'elle nue. D'ailleurs, on en parlait. Justin Bieber a envoyé une photo à son ex en mettant une photo de sa bite en disant elle te manque ou pas? Oui, c'est mignon. Moi, je trouve ça très mignon. Bah, évidemment, super mignon. Ouais. Mais quoi, genre, vous avez jamais envoyé de photo de vous Non. Oulala, c'est trop dangereux. Mec, tu sais qu'un jour. Ça sort toujours à un moment ou à l'autre quand tu t'y attends pas ou quand tu dis que c'est oublié. Mais ouais. Hop, le truc, il revient. Ah non. Ouais, et surtout avec le job qu'on fait, tu sais très bien qu'un jour, le truc peut être dans un dossier et ressortir. Ah bah, bien sûr. Ouais, mais moi, je fais jamais de photo de ma tête et de ma bite en même temps. Ouais, mais ma. Après, va-t'en savoir que c'est ma bite. Ouais, si on sait jamais. Toi, mais t'as le Prince Albert. T'as le Prince Albert. Et alors, je t'en sors 20 000 des photos avec des Prince Albert sur Internet. Non, une petite caquette d'un demi centimètre avec un Prince Albert, il n'y a que toi. Non, mais. Bon, dites-nous si vous avez déjà fait des photos de votre sexe ou de vos seins, les filles, pour envoyer à votre copain, copine ou futur copain ou future copine. N'hésitez pas, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Thibaut, en attendant, de Belgrade. Donc, salut Thibaut. Salut équipe. Comment ça va? Bien et toi? Eh ben écoute, ma foi, plutôt pas mal. Bon Thibaut, alors tu nous appelles pourquoi toi? Alors juste avant, est-ce que t'as déjà fait une photo de ta bite pour envoyer une copine ou un copain? C'est pas j'ai pris une photo, c'est on m'a pris en fin de compte. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont foutu à poil, vu que chez mon oncle c'est un peu l'ambiance, c'est chaud quand même des fois. Ils m'ont foutu à poil et après c'est ma cousine qui est venue prendre une photo. Ah d'accord, oh, sympa l'ambiance de la famille donc. Sympa. Bah ouais, plutôt cool, hein. Bonne famille quoi. Super. Famille plutôt la cool, non c'est bien. Bon, et donc du coup, forcément, c'est retrouvé partout sur internet ou t'as quand même réussi à sauver les meubles? J'ai réussi à sauver deux trois trucs. J'ai réussi à choper le portable de la cousine et à supprimer, mais forcément avant elle l'a envoyé à toutes ses potes donc. Mais quel connasse. Quel âge elle a? Ou avait? Elle a 17 ans. 17? Mais ça date de quand ça? Il y a quoi? Il y a 4 mois? Ah oui, c'est tout récent. Ah ouais, d'accord, ok. Mais quel dégueulasse. La cousine, c'est genre, oui, t'inquiète pas, je prends une petite photo. C'est scandaleux. Et hop, elle l'envoie. Mais en même temps, c'est bien parce que si t'es bien membré, les meufs, elles doivent être contentes. Mais moi, je me suis bien vengé, surtout. T'as fait quoi? Il y a à peine un mois, on lui a passé un défi. C'est parce que mon oncle est routier. Il a, sur ses cartons, des fois, il a des affichettes rondes marquées interdit de marcher. Ouais. On lui a fait le pari comme quoi il devait en mettre deux sur ses seins et un sur sa chatte. Et après, je l'ai pris en photo et même en vidéo. c'est pas mal. Note. Bon, ça reste quand même plus bas que ta bite envoyée en vidéo, en photo. Mais bon, après, tant que t'as pu te venger, c'est le principal. Bon, Thibaut, on parlait pas de ça à la base. Tu nous appelais pourquoi, toi? Bah, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon ex, elle m'a trompé, je l'ai appris. Ouais. Et donc, normal, j'ai mis les quatre vérités dans la gueule. Et donc, pour se venger, elle s'est vengée sur mes platines. Mais elles y pouvaient rien, les platines. Mais oui, elles n'avaient rien fait. Elles n'ont rien demandé à personne. Note, on a déjà eu un auditeur un jour, on lui a... C'était quoi si sa meuf lui avait balancé l'ordinateur, la PS3, etc. par la fenêtre, je crois. Ouais. Donc finalement, ça va. C'est des J2000, les platines qui valent à peu près 1500 euros. Ah oui, non, alors ça va pas, non, effectivement. Oui. Donc ça a fait 3000, quoi. C'est 1500 euros la pièce. Oh putain! 1500 euros pièce, voire 2000. Bah qu'elle te rembourse, attends, tu lui fais un scandale, ouais, t'es sérieux là? Mais en fin de compte, et si elle peut pas rembourser, tu l'as fait tapiner jusqu'à ce que t'aies assez quoi. Ouais, super, voilà le conseil de mère, tiens. Bon, donc du coup, t'as dit quoi, tu dis? J'ai pas pu dire grand chose parce qu'en fin de compte, elle a changé de numéro, elle a tout fait. Ah, t'as réussi à la joindre? Numéro, Donc c'est vrai qu'elle m'a un peu baisé. Bah en même temps, elle a pas déménagé. Oui, c'est ça, tu peux la retrouver, elle a pas déménagé juste parce qu'elle t'a flingué de platine. Ils ont déménagé, donc c'est-à-dire la meuf, elle a cassé les platines et puis elle s'est barrée. Ah bah, elle savait qu'elle déménageait dans la semaine. Et en fin de compte, déjà la première platine, elle l'a fracassée par terre. Et la deuxième platine, elle l'a balancée contre le mur. Non mais tu peux quand même la retrouver, c'est-à-dire que la meuf, t'es sortie avec elle, là, vous avez quand même des amis en commun, vous avez quelque chose, non? Oui. Bon bah très bien, bah voilà, il y a peut-être moyen de la retrouver quand même d'une manière ou d'une autre en demandant à des anciens copains, etc. Dites-nous d'ailleurs, tiens, si votre ex, fille ou garçon, hein, vous a matraqué des trucs genre les consoles, genre les trucs qui valaient bien cher comme là, les platines justement à 1500 euros la pièce. Appelez-nous, tiens, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Thibaut, du coup, reste avec nous. Il y a Yanis qui est là également de la Côte d'Azur. Salut Yanis. Salut. Hey, comment ça va Yanis? Ça va, impeccable. Bon, impeccable. Tant mieux. Bienvenue à toi, Yanis. Alors, toi, tu voulais réagir à Florian, toi, qui kiffe une meuf. C'est la meilleure amie qui lui envoie des photos d'elle nue. Et du coup, ouais, on en avait parlé de Justin Bieber qui avait envoyé des photos de sa bite direction son ex en lui demandant « Alors, elle te manque ?» Alors ouais non, en fait c'est un peu différent, en fait c'est par rapport à les photos aussi, ouais. Donc j'étais avec mon ex et en fait on a fait un petit délire et tout de photos, donc on s'est pris des photos de nous nus, bon voilà, pas de souci, et voilà, donc normal jusque là tout va bien, et puis donc je me suis séparé avec cette nana, voilà, et elle est allée avec un autre. Et ce mec, en fait, ils se sont mis à regarder les photos. Malheureusement, les photos ben, étaient sauvegardées sur un disque dur. Et puis, ils sont arrivés donc avec le nouveau, à regarder les photos et à tomber sur les photos de moi, en fait, à poil, la bite à l'air, quoi. Allez, hop, voilà. Petite photo avec la famille, avec les enfants. Voilà, c'est juste magique, quoi. Et puis, comme j'ai quand même gardé des relations avec mon ex, en fait, ben, elle me l'a dit. Ouais. Donc ça a foutu un petit peu le malaise, disons, on va dire. Pourquoi voilà, t'es mieux membré que l'autre? Voilà, on va dire. Oh, Jean-Ris ça. La ramène. Ouais, moi j'ai un gros sexe, lui il est tout petit. Oh, Jean-Ris la ramène. Ben voilà, ben en l'occurrence là, ouais, c'était un peu ça. Et en fait, voilà, donc pendant une bonne semaine, le mec lui a fait un speech, voilà. Enfin, ce qui est normal, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Et c'est juste le petit délire, voilà. Il fallait que je passe à l'antenne pour dire un petit truc comme ça, quoi. Non, mais t'as bien fait. Mais c'est marrant, voilà. Ça aussi. Tu sais, les ex qui sont jaloux des ex. Enfin, les mecs qui sont jaloux des ex plutôt, ou les meufs qui sont jaloux des ex. Ouais, c'est bizarre. Je trouve ça ridicule. Si t'es plus avec, c'est que t'as plus envie. Non, mais c'est ça. Et en plus, voilà, mais moi je m'attendais pas du tout. Et moi, ça m'a fait plus vraiment rigoler, quoi. Ça, bah, tu m'étonnes. J'étais mort de rire, quoi. Quand elle m'a raconté ça, j'étais mort de rire. Bah, merci Yanis, en tout cas, d'être passé. Voilà, hein. De rien, ouais. Et tu reviens quand tu veux. T'as fait la promo aussi autour de toi, là, qui en fait un truc à écouter le soir à la radio? La promo. Bah, la promo, dire à tes amis, etc., qui en fait un truc à écouter sur Fun Radio. Mais ben, y a pas de soucis. Bon, ben, je compte sur toi. Enfin, c'est pas qu'il y a un truc à écouter sur Fun Radio, il y a enfin un truc à écouter le soir, c'est sur Fun Radio. C'est ça, ouais. Ce qui, tu remarqueras, ne veut pas dire la même chose. Ah, base, mais bon. Bon, merci Yanis. Salut à toi, à bientôt. Merci, à plus. Ciao. Florian, reste avec nous. Armand également, qui nous avait demandé de poser une question directement à Jean-Marc Ayrault, donc hein, le Premier ministre. Oui, voilà. Ouais. Donc on va appeler dans quelques minutes direction Matignon, puisque nous n'avons pas une nouvelle. Je l'ai tweeté, Jean-Marc Ayrault. Et il ne t'a pas retweeté. Et il ne m'a pas répondu. Bah, retweeté, je m'en fous. Moi, je veux une réponse. Donc il m'a pas donné de réponse. La question était quel droit ou rôle au pouvoir a le Premier ministre. C'était ça la question, Armand. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je lui ai posé la question. Je n'ai pas eu de réponse. Donc on va appeler Matignon dans quelques minutes. C'est sa fonction, donc il devrait répondre vite. Bah, il devrait répondre relativement rapidement. Et c'est vrai. Bon, le problème sur Twitter, c'est que c'est limité en termes de caractères. Mais il aurait au moins pu dire. Je vous envoie un mail ou. Oui, il aurait pu t'envoyer un lien en te disant. Ouais, lien avec la réponse. Oui, ouais. Voilà, ça aurait pu être une idée. Bon, Armand, reste avec nous. On va refaire la colle dans quelques minutes. On va prendre Steven qui voulait réagir aussi par rapport à Florian, donc au niveau des photos nues. Et puis on va faire les premiers appels aussi avec Tof dans quelques minutes. Premiers appels puisqu'on l'a appris qu'en Belgique, bah, il y avait plus de sperme dans les banques de sperme. C'était vide, dramatique. Fini, over. Donc on va essayer de trouver des gens pour donner du sperme tout simplement hein, dans toute la Belgique. Donc si vous avez des numéros de téléphone de gens encore debout à cette heure-ci, n'hésitez pas bien sûr à les transmettre sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On va bien évidemment appeler les gens d'ici quelques minutes. Au cœur d'une heure sans pub, 2000 Lovato maintenant. Be still my heart, cause it's freaking out. Be still my heart, cause it's freaking out. C'était 2000 Lovato sur Fun Radio. Et je vous cale aussi le son, comme promis, de Martin Garrix avec Wizard. Voilà, c'est ce qui va arriver sur Fun. On aura les teubés de la télé, on aura le canular également, comme chaque jeudi sur Fun Radio. Si d'ailleurs vous voulez faire un petit canular à, je sais pas moi, les parents, les frères, les sœurs, les amis, la famille, bref, peu importe qui, tant qu'on se marre, c'est le principal. Eh bien, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez directement maintenant un petit message sur le standard. Hein, vous appelez Sandro, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Axel qui dit, j'ai une idée, si j'envoie ma bite sur le Twitter avec le hashtag Mickaël, est-ce que j'ai le droit au casque bite? Écoute, essaye Axel. On verra. on te répondra après. Voilà, je te dirai après. Il y a India aussi qui dit, il a fait quoi pour être en prison Bieber? Mais il a roulé en état d'ivresse. De toute façon, c'est ça ou la drogue. Hein, de toute façon, hein, c'est une fois l'un, une fois l'autre. Joël qui dit, moi la meuf qui me bousille mes platines, je porte plainte pour dégradation de biens privés. Adeline aussi, voilà ce que donne mon prénom en mode ninja. Katekutaki. Toku. Voilà, c'est ça. Ah bah, c'est bien, Adeline, c'est bien. Je rappelle que vous pouvez transformer votre prénom en nom de ninja. J'ai mis le lien qu'il fallait et comment faire sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKAELOfficiel, ça va super vite. Il y a Sophie qui dit, moi, c'est Arimoporikikiku. Très bien, Ikuki qui dit Rintaka Tomoto. Voilà mon prénom en chinois. C'est original également, Cookie. Donc allez-y, continuez les autres. Mon ex est venu chez moi, mais j'étais pas... Attends, c'est quoi ? Mon ex est venu chez moi et a jeté mon PC gamer de 2300€ par la fenêtre du troisième étage. Elle est partie après l'air de dire que c'était de ma faute. C'est Alexandre. Mais qu'est-ce que t'as fait, Alexandre ? Dis-nous surtout. C'est ça qui me perturbe le plus. Parce qu'elle avait l'air un peu énervée quand même. Ah ouais, c'est clair. Kylian qui dit, mon ex m'a balancé l'iPhone à la gueule. Et puis, message de Victor aussi qui dit, bonsoir les gars, vous tuez, je peux avoir un coup de pelle pour Toff parce qu'il est moche. Mais écoute, avec plaisir. Ouais. Il est laid. Complètement laid, complètement. Bon, allez hop, c'est parti, on y va. On va appeler maintenant les premiers numéros qui ont été envoyés. Hein. Bah, ça marche de pire, en fait, dans l'absolu. Vous les envoyez quand vous voulez, hein, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Et puis, bah, nous, bah, tous les soirs, on appelle des gens. Là, ce soir, c'est pour essayer de trouver des donneurs de sperme. Oui, parce que la Belgique n'en a plus. Il n'y a plus de sperme en Belgique. Il n'y en a plus dans les banques. Et donc, bah, forcément, du coup, nous, on y va. On essaye d'appeler des gens, numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est parti, on y va ? Allons-y. Allez, c'est parti. Premier appel de ce soir. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce qu'il y a pénurie de sperme en Belgique, monsieur. Eh, cousin, tu te prends pas un malin, arrête de casser les couilles, là. C'est déjà 3-4 fois que t'appelles, c'est de Johnny, va. Mais pas du tout, monsieur, moi, je vous appelle parce qu'il y a pénurie de sperme en Belgique, monsieur. Ouais, va te faire enculer, connard. Mais enfin, monsieur... Enfin, monsieur... Allô ? Non, oui, t'as raccroché au nez, là. Va te faire... Donc, qu'est-ce qu'il a dit ? Espèce de Johnny ? Ouais. Espèce de Johnny, oui. C'est quoi cette insulte en manière de merde ? Je suis son Johnny. Ah ouais, bon, bah, très bien. Bah, alors, espèce de Johnny, on va quand même le rappeler. Voilà, mais va te faire enculer quand même, hein, connard. C'est ce qu'il a dit, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, monsieur. Tu sais quoi, je vais appeler mon fournisseur, je vais demander à afficher ton numéro, la tête de la mère, tu vas voir. Mais oui, je vais aller porter plainte, t'inquiète pas, tu vas voir. Mais vous voulez pas faire un don de sperme plutôt, monsieur ? Je vais faire un don de défonce ta gueule, etc. Hey, gros fils de pute, ça va faire ta vie ou quoi, espèce de blaireau, va ? Mais enfin, madame, calmez-vous. Ah, ouais, t'es bien, t'as la meuf qui arrive comme ça, hop, hop, hop. Nickel. Elle arrive derrière. Hop. Exactement. Elle rentre, elle est bien, elle est plutôt pas mal. C'était très bien. Bon, si vous avez d'autres numéros, n'hésitez pas, hein, vous envoyez ça sur le mail de Toff, comme je le disais, toph@funradio.fr. On va donc récupérer maintenant, il y a du monde, la colle avec Nicolas. Nicolas ? Oui. On va se refaire un petit coup de colle là en speed ? Alors, plus allez, on en est... Vas-y. Plus on en est prêt, plus on y pense, et quand on n'y pense plus. Que suis-je ? Voilà, plus on est prêt, plus on y pense, et quand on y est, on n'y pense plus. Que suis-je ? On proposait des cabinets ? Non. Non, le but ? Non. Pour la colle, c'est le premier rendez-vous sexuel, c'est Xavier qui proposait ça ? Non. Le sommeil ? Non. On proposait l'éjaculation ? Non. Non. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant pour gagner votre GoPro, la GoPro Black et la Black Edition, c'est la Hero 3 Plus qu'on vous offre, ou alors le casque Beats by Dre, c'est vous qui choisissez. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique, et vous pouvez bien sûr jouer aussi sur le Facebook de l'émission, et là c'est gratuit, facebook.com/Mickaël officiel. On te récupère avant minuit, Nicolas. Okay. Et on donne la réponse avant minuit. Je rappelle que si un auditeur a trouvé la bonne réponse et qu'il est sélectionné, il passe à l'antenne, il donne la bonne réponse, il gagne. Et à ce moment-là, Nicolas perd. Et si jamais ça décroche pas ou que la réponse est mauvaise, à ce moment-là, c'est Nicolas qui gagnera. Voilà, comme ça au moins. Tout est dit, on va pouvoir récupérer... Où est-ce qu'il est ? Armand, pour appeler le Premier ministre. Là. Armand, t'es là ? Ouais, je suis toujours là. Bon, très bien. Donc, je rappelle que t'avais posé une question. Donc, quel droit ou rôle ou pouvoir a le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, donc ? Et quand on a vu mon message passer, on s'est dit, mais, il y a un mec qui a fait pareil. Il s'appelle Vincent, d'ailleurs, et il a posé une question directement à Jean-Marc Ayrault, et lui a répondu. Ce qui est scandaleux, alors que nous, on n'a pas eu de réponse. Voilà, alors que nous, on galère, et rien du tout. Voilà, c'est un truc de dingue. Donc on y va, on va appeler maintenant Matignon, et puis on va essayer d'avoir une réponse. Hein. D'accord. Allez, c'est parti, bouge pas. Tu parles ou je parle ? Parle. D'accord. Matignon, bonsoir. Oui, bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger. Je voulais parler à Jean-Marc Ayrault, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Ah. Parce que, en fait, j'ai un petit problème, j'ai une question à lui poser et j'ai besoin de la réponse pour demain pour les cours. Ah oui, bah ça va pas être possible. Parce que j'ai vu qu'il tweetait, j'ai vu ça, il y a un de mes potes, s'appelle Vincent, qui a tweeté une question à Jean-Marc Ayrault, il a répondu. Et je l'ai tweeté aussi, mais il m'a pas répondu. Ah. Donc je voulais savoir comment on s'arrangeait au niveau de la note. Ah, je sais pas, moi, monsieur. Mais vous pouvez pas lui demander ? Non, c'est pas possible. Mais qu'il regarde juste sa boîte Twitter, comme ça il peut voir le message. Je l'ai envoyé tout à l'heure, il devait être 20h, un truc comme ça. D'accord. Voilà. C'était au nom de Mickaël. Alors s'il peut me répondre avant demain matin, ça m'arrange. Oui, j'imagine bien. Ouais, mais alors je peux compter sur vous, parce que là, du coup, si j'ai une mauvaise note, je sais pas comment on va s'arranger, quoi. Ouais, j'imagine bien. Parce que si je dis ça à mon prof, si je lui dis, Jean-Marc, il m'a pas répondu, je risque d'avoir des heures, quoi. Je comprends, mais bon, là, c'est pas de votre faute. Non, mais je sais bien, mais ce serait celle de Jean-Marc Ayrault, mais vous voulez pas l'appeler. Ah, vous pouvez bien lui mettre un ou deux problèmes de plus sur le dos, hein, vous savez, c'est pas très c'est grave. C'est vrai, oui, c'est vrai, on peut voir ça comme ça. Mais est-ce que vous pouvez éventuellement... Vous avez une boîte mail ? Oui. Est-ce que vous pouvez pas m'envoyer un mail en disant que vous m'excusez de pas avoir rendu le travail, blablabla, enfin vous inventez n'importe quoi. Ouais, et puis je vous dispense de sport aussi ? Non, ça va, c'est lundi ça, donc ça, je suis tranquille, c'est vendredi. Ok. C'est possible ? Ah non, ça va pas être possible, bien sûr. Non, mais c'est juste parce que le problème, c'est que là, il me répond pas. Donc, s'il me répond pas, je fais comment ? Moi, je comptais dessus. Je comprends bien. Bah alors, on fait comment ? Mais faut pas forcément compter sur lui tout le temps. Pourquoi il a répondu à l'autre ? Pourquoi il a répondu à mon pote, à Vincent, et moi, je peux pas ? Enfin, moi, il peut pas. Ah, il a peut-être préféré sa question. Bah ouais, mais enfin, c'est une question de merde, hein, quand même, si je peux me permettre. Hein. Ah bah, je suis pas au courant de tout, moi, hein, vous savez... C'était un truc sur l'accord de Matignon et tout ça, alors que moi c'est beaucoup plus facile. Notez, vous allez peut-être pouvoir me répondre, c'était quel droit ou rôle au pouvoir le Premier ministre ? Moi j'en sais rien du tout. Moi non plus. Ah vous savez pas ? Non. Même pas un indice, une peut-être m'aiguiller quelque part ? Non, je suis désolé. Non ? Bon bah tant pis alors, écoutez, et si je rappelle demain ? Matin ? Je crois que c'était pour demain matin déjà. Vas-y, mais si je rappelle demain matin, genre avant d'arriver, je dois le rendre à 8h30, donc... Non, mais j'imagine que si vous faites des études, vous devez être quand même pas trop bête. Et... Ah non, mais je vous explique, c'est-à-dire que là, en fait, la question qui a été posée, on l'a jamais vue en cours, hein, donc il veut simplement nous piéger, le prof, donc... Non, mais je comprends bien, je comprends votre désarroi, mais vous vous doutez bien que je peux pas vous passer le Premier ministre, que ça soit ce soir, demain ou après-demain. Non, je comprends, mais après, comme il avait répondu à Vincent, je me suis dit qu'en fait, il était cool. Il avait répondu à Vincent, mais... Et... Il a répondu, hein, c'est son Twitter, Jean-Marc Ayrault, c'était @ Jean-Marc Ayrault sur Twitter, c'est lui qui a répondu. Parce que moi je voudrais, si j'arrive en plus avec le tweet de Jean-Marc Ayrault, je pense que ça peut mettre bien par rapport au prof, vous voyez. C'est classe, mais moi en tout cas je peux rien faire pour vous. Ah, vous pouvez rien faire, parce que vous travaillez là quand même, donc on vous a pas demandé quand vous avez commencé à travailler là, quel droit ou rôle ou pouvoir le Premier ministre. Mais si c'est bien sûr. Là, vous pensez que vous êtes le seul appel comme ça ce soir? Ouais, d'accord. Non, mais bien sûr, évidemment. Et le motard, vous pouvez pas me le passer? Non plus. Ah, non plus. Bon, bah écoutez, tant pis. Bon, pas passer personne. Non, je suis désolée. Bon, bah écoutez, bah tant pis alors, c'est pas grave. Bon, bah je vais rater mon année, quoi. Ah, je suis désolée. Bah c'est pas grave, vous finirez fonctionnaire. D'accord, bah écoutez, je ferai ça alors. Parfait. Bon, bah merci, hein. Bonne soirée, bon courage, au revoir. Au revoir. Eh ben on n'est pas aidé, hein. Ah on n'est pas aidé par le ministère. Ah ouais, on paye des impôts. Et on paye les impôts là et regarde, on essaie d'avoir une aide et en fait dans le cul quoi. Mais ce qui est ouf c'est qu'elle t'a quand même répondu qu'elle ne savait pas à quoi servait son patron. Oui. Et que de toute façon il n'est plus à ça. Pourtant j'ai demandé l'aide du motard mais ça n'a pas marché. Hein. Et que si tu fous rien tu finiras fonctionnaire. Ouais. Ouais c'est clair. Bon ben Armand bah écoute deviens fonctionnaire, hein. C'est le meilleur plan visiblement. Hein. Eh ben oui, apparemment. Eh ben voilà, écoute. Tu mettrais peut-être sa place, hein, si ça se trouve. Et qui sait, va savoir. Ouais. Bon, en même temps, tu bosses un mois à sa place et tu te mets bien en termes de finances. Hein. Mais bon, faut tenir à moi, quoi, c'est juste ça. Bon, ben salut Armand et bon courage hein, pour l'école. Hein. Ouais, ben merci quand même. Hein. Bah, avec plaisir. Salut Armand. Tu peux me repasser le standard ? Bien sûr, je te repasse Sandro, il n'y a pas de souci. Salut Armand, à bientôt. On va revenir avec Florian, avec Thibaut, avec Enzo, avec Steven, avec Lucas. Et puis avec la colle de Nicolas aussi dans quelques minutes. Et puis comme promis aussi, on va s'écouter le son de Martin Garrix dans un instant sur Fun Radio. Et la nuit sans pub va démarrer juste après. Bienvenue, rejoignez-nous également sur le Twitter. Tapez Mickaël _, c'est le petit tir en bas. Puis vous mettez officiel, donc Mickaël, le petit tir en bas officiel. Et puis sur Facebook aussi, tapez pareil, Mickaël officiel. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio, évidemment. Il est 23h46 sur Fun Radio. On est en direct jusqu'à 2h. C'est sur Fun Radio que ça se passe tous les soirs. Mickaël, No Limit. Et puis le dimanche également, de 20h à minuit. Il y a Christophe qui dit: ça fait 2 mois que je vous écoute. Je peux avoir un message de bienvenue bien pourri. Vous êtes géniaux également. Et trop mort de rire, la question à Jean-Marc Hérault. Écoute, on n'a surtout pas été aidé. C'est ça le pire. C'est scandaleux. Parce qu'on a essayé, on a essayé. Et puis voilà. Oui, tu voulais un message de bienvenue, pardon. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Voilà, au moins la question est passée. Hein, voilà, ça y est, c'est fait. Donc, oui, bah, on n'a pas été aidé, malheureusement, on n'a pas pu aider Armand, c'est bien dommage. Christophe qui dit aussi, ouais. Non, mais j'ai adoré la meuf qui nous fait: ouais, mais c'est pas grave, de toute façon, on pouvait lui en rajouter, il en a déjà plein des problèmes. Oui, c'est ça, c'est plus un problème près. Il y a Nathan qui dit: la meuf qui enfonce pas trop Jean-Marc du tout. Il y a Joss aussi qui dit: tu finiras fonctionnaire, elle m'a tué. Sam également qui dit: mort de rire, la fille de Matignon, elle sait rien sur lui du tout. Je crois qu'elle avait surtout pas envie de se prendre la tête. Et alors, par contre, elle a mis longtemps, je pensais qu'elle allait me bâcher plus vite, moi. Ouais, mais il y avait peut-être personne, du coup elle se dit: ça m'occupe aujourd'hui. Pas faux. Et Jason aussi qui dit: moi mon nom de ninja c'est Zuka Kiarimoto. Voilà pour le nom de ninja. Ah oui, c'est un peu long hein. Ouais, et il était incroyable le coup de fil au ministère là, vous êtes vraiment trop fort, merci. Et Magda qui dit: bon bah voilà, tu parles d'un premier ministre. C'est vrai qu'il aide même pas, il devrait aider, c'est pas bien, c'est pas bien. Et bon, demain t'auras peut-être des tweets avec les réponses. Hein. Ah bah, va savoir, ouais. Alwena aussi qui dit: mon ex avait jeté mon chaton du Bengale avec toute sa force par terre, résultat elle avait une patte cassée. Oh, ok, bon, c'est pas de la casse matérielle, mais c'est inhumain de faire ça à un animal. Pauvre ouais, minou. C'est vrai, c'est vrai. Bon, heureusement, elle est pas morte non plus. Hein. Et Let's Be Freaks qui dit: Let's Be Freaks en ninja, ça donne... Oh putain. Takushi Arizuku Lushi Kukamaeari. Fallait que ça tombe sur elle. Il faut toujours qu'elle se fasse remarquer. Toujours. Bon, oh, donc voilà. Si vous voulez aussi transformer votre nom en mode ninja pour voir quel est votre nom en ninja, eh ben, n'hésitez pas. Direction... le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Bon allez, on va continuer maintenant avec toujours Florian hein, qui est avec nous là, qui est une meuf, c'est la meilleure amie qui lui envoie des photos d'elle nue, donc en gros il s'est un peu trompé de meuf, on peut dire ça comme ça Flo? Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Et du coup, comme Justin Bieber a envoyé une photo de sa bite à son ex, du coup, on voulait savoir si ça vous était déjà arrivé justement d'envoyer des photos de cul. Accessoirement, il y a Steven qui est avec nous là, de Ronnie Sous-Bois. Salut Steven. Salut, bonsoir à tout le monde. Salut, comment ça va? C'est la première fois que je passe à la radio, c'est mon baptême. Oh bah bienvenue. Bah, bravo. Attends, j'ai un petit message de bienvenue pour toi là, attends. Franchement, t'es qu'une grosse merde, des mecs comme toi, j'en chie tous les matins, enculé de ta mère. Voilà, bienvenue Steven. Oh, il était bien celui-là, il était bien. C'est tous les amis tough comme ça qu'on rencontre au fur et à mesure. Hein. Au fur et à mesure de l'année, on les rencontre, ils sont tellement gentils, tellement bons, tellement... Bon. Sympathique. Oui, sympathique est également un mot que j'aurais pu prendre, c'est vrai. Non, mais j'ai des grosses couilles pour t'emmerder, moi, boîte dans ta gueule quand je te verrai, connard. Voilà, bon, après, il y en a qui bégayent aussi un petit peu, mais bon. Bon, tu nous appelais Steven parce que tu as déjà fait des photos de toi nu à des copines, copains ou... En fait, c'est un peu plus que des photos, c'est moi, on m'a filmé carrément en pleine ébat sexuelle. Ah, ça, par contre, c'est tendu. Et ouais, surtout qu'est-ce que en fait le concept c'est que j'étais parti voir une fille avec un ami à moi pour faire de la samba quoi. Et tu fais de la samba? Ouais. Enfin au début c'était de la samba, mais après ça s'est transformé. Enfin bref, t'as compris quoi. Ouais. Et non, donc, on n'a pas compris non. Mais fais de la samba. Flo aime bien avoir tous les détails. Bah oui, alors c'est quoi d'appeler la samba, c'est quoi? Ah bah alors tu poses la fille sur le lit, et après tu danses sur elle quoi, tu. Voilà, avec ça. Samba de Janeiro. Allez, samba de Janeiro. C'est placé. Voilà. Montre-nous comment on danse. Placé. Une bâche. Ça y est, Polo est déjà parti lui hein. Bon, c'est là-dessus que tu danses? De Janeiro. Enfin c'est plutôt ça dégénère avec Steven. Mais non, mais non, mais non. Steven. Oui. C'est là-dessus que tu danses? Non, pas du tout, non. Ah bon, merde, d'accord, ok, moi je pensais, mais c'est pas grave, tant pis. Bon, et donc du coup, donc photo, et après? Eh ben en fait, mon pote qui était avec nous, il en a profité, il a sorti son téléphone, ouais. Il s'est mis à filmer, sauf que moi je voulais pas que la fille elle voit, donc je lui ai fait une prise de catch, et je continue à faire la fin sur elle. Et le truc, c'est que la vidéo, moi je pensais qu'elle allait jamais sortir, mais elle s'est retrouvée sur... pratiquement les trois quarts des ordinateurs de mes potes et copines. C'est bon ça. Ça c'est pas mal ça. Et alors et après? Et bah le truc c'est que je pensais qu'elle, parce que c'est une histoire qui est assez vieille, donc je pensais qu'elle avait disparu. On me l'a ressorti là il y a quelques jours et on m'a dit qu'on me la mettrait à mon mariage. Ah mais oui, mais le truc avec les vidéos c'est que c'est toujours on le disait tout à l'heure encore, ça sort toujours. Mais oui, c'est ouais, mais à un moment ou à l'autre tu te le reprends pleine gueule. Ah bah c'est la vérité, c'est ça. Ah bah je confirme. Je l'ai bien mangé. Bah tu m'étonnes. Attends, il y a Enzo aussi qui est avec nous là. Salut Enzo de la Côte d'Azur. Salut. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bah très bien Enzo. Alors t'as déjà fait des photos toi aussi, genre de ta bite ou quoi, non? Non, moi en caleçon. Ah en caleçon, ouais oh. Mais caleçon ça va encore. Ouais, ça va. Après, ça dépend de la gueule du caleçon. Hein. Si c'est un caleçon bien qui peut bien te foutre la honte, évidemment, c'est différent. Mais bon. Non. Et comment et la photo, c'est une photo ou une vidéo? Photo. Photo. Et elle s'est retrouvée où? Sur mon téléphone. Ah, mais c'est tout. Mais elle s'est pas retrouvée sur Internet. Tu t'es pas tapé la honte, etc. Non. Oh, bah alors ça va. Oh. Mais en attendant, méfie-toi. On sait jamais que tu perds ton téléphone ou que ton pote. Emprunte ton téléphone et décide, quand il la verra, cette photo, de se l'envoyer discrètement et là, t'es dans la merde. Non, je l'ai supprimé. Ah, tu l'as déjà supprimé? Oh oui, bon, bah alors ça va. Et tu l'avais prise pour quoi? Pour montrer à ta meuf ou tu l'avais prise comme ça? Ben non, je l'ai envoyé une copine et moi. Ah bah tu vois, tu l'as envoyé. T'es mort, mec. Ouais, et elle va l'envoyer une copine, qui va l'envoyer une copine, qui va l'envoyer une autre copine et après, voilà, tout le monde aura Et au début, ça va être parti comme ça, dire ouais, je te l'envoie, mais par contre, tu l'envoies à personne. Hein. Non, t'inquiète. Hop, elle va l'envoyer une copine. Ouais, mais je te l'envoie, mais par contre, tu l'envoies à personne. Non, t'inquiète. Et hop, là, ça va partir. C'est comme les secrets. Y a pas de secrets chaque fois. Bon, je te le dis, je devrais pas, mais je te le dis, tu dis rien, promis. Hein. Ouais, t'inquiète. Et ça part toujours comme ça et au final, tout le monde est au courant. Ouais, mais en fait, j'ai demandé une photo en soutif en string, donc au moins, T'as une monnaie d'échange. Non, c'est pas mal. Voilà. Avec la monnaie d'échange, ça va, effectivement. Bon, et du coup, ça ne résout pas notre problème avec Florian, ça, Enzo et Steven. Là. Florian qui kiffe une meuf, et c'est l'autre qui lui envoie des photos. Bah, c'est la folie. Bah, c'est la folie, Steven, ça dépend, parce que visiblement, elle a pas l'air d'être méga bonasse, quoi, la deuxième, en fait. Mais il faut qu'il fasse une paire de coups. Bah oui. Hop, tu baises les deux à la fois, et puis t'en parles plus. Ah bah, super. Mais, hé, hey, Flo. Ouais. Elle est pas intéressée du tout, la première? Bah un peu quand même. Bah elle est un peu intéressée. Bah alors quel est le problème? Bah voilà, si tout le monde est intéressé, tu mets un coup dans l'une, un coup dans l'autre et puis on parle plus. Ou alors tu peux prendre les deux en même temps. Et un petit coup de samba. Voilà. Bah voilà, c'est ça. Exactement, tu remets ta samba. Et t'es au top. Ah ouais, bah c'est une idée ça Florian, non? Samba, non, tu veux pas. Bon d'accord, ok, très bien. Nous on essaie de trouver une solution, hein, tu dis? De quoi? Non, je dis, on essaie de trouver une solution. Nous. Bon, écoute, de toute façon, Flo, il n'y a pas 150 000 solutions, à part lui dire à la copine que t'as plus envie de recevoir ses photos et que de toute façon, si elle continue à les envoyer, tu les mettras directement à la poubelle. Et d'aller voir la première meuf que tu kiffes en lui disant, bah écoute, voilà, je te kiffe et voilà, sors avec moi, j'en sais rien, t'inventes ce que tu veux. Et puis voilà, il n'y a pas 100 000 solutions, Flo. Bon, maintenant, ouais, tu fais ça et tu nous tiens au courant, ouais. D'accord? Ouais. Tu la vois quand, la meuf? Ce week-end, bah très bien, on t'appelle dimanche soir pour voir où c'en est, ok? Ouais, bah je passe une petite dédiée avant de partir. Tu la passeras dimanche soir si t'as été bon. Si tu as réussi à pécho la meuf. Bah ouais. Bah ouais, tu vas réussir. Mec, t'es un gagnant ou t'es pas un gagnant? Passe-toi les couilles. Hein? Bah moi je suis vraiment le plus gros gagnant du monde. Eh ben voilà, tu vas voir. Bah dimanche soir on te reprend à 20h. Et t'as intérêt à nous annoncer une bonne nouvelle, Flo, d'accord? Tu dis à la deuxième que tu veux plus de ses photos parce que t'en as rien à foutre, parce que tu kiffes une autre, tu vas voir la première et tu dis c'est toi que je kiffe, allez hop, c'est parti. D'accord? Ouais. Je compte sur toi, hein? Ouais. Bon, allez, Flo, à dimanche? À dimanche. À dimanche, parfait. Ça, c'est un gagnant, ça. Ouais, c'est un bon, lui. Voilà, enfin, j'espère. Bon, Enzo et Steven, merci à vous d'être passés. Merci à vous d'avoir écouté la petite histoire. Bah avec plaisir, tu rigoles. Merci en tout cas, merci Enzo, merci Steven. Vous revenez quand vous voulez tous les deux, à bientôt. Avec gros bisous à vous. Salut, et merci à vous aussi, passez un bon week-end. Tu en as pas salué également notre agent des SNCF là, qui est là, il prend le micro, attends, il est là. Comment tu t'appelles? Arnaud. Ah, Arnaud qui est passé nous voir. Et écoute, t'es venu en SNCF? Non, je suis venu en voiture. Ah ouais, bravo. C'est de la merde la SNCF. Non, c'est parce qu'il était pas sûr qu'il soit pas en grève demain, donc voilà. Tu fais le contrôle des billets ou Non, je suis agent d'escale. Okay. Agent d'escale, d'accord, ouais. Ok, très bien, ok. Parce que contrôle des billets, faut contrôler Polo. J'ai mon passe Navigo. Waouh, qui n'utilise jamais, puisque de toute façon les trains sont toujours en retard. Donc, ça c'est scandaleux. Il doit prendre un autre moyen de transport. Voilà. Ouais, donc. Mais si vous voulez cracher sur les SNCF, hein, il est là, il peut y aller. Hein. Il va prendre pour tous les autres. Attends, voilà. Mets-lui un coup de pelle pour moi dans sa gueule. Avec plaisir. Ça c'est le retard d'avant-hier. Et le retour hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier. Et voilà. Dans ta voilà. Je pense que là c'est bon, la vengeance est passée. Hein. Ouais, là, c'est... Ça fait bon, du bien. Allez, 01 42 48 5000 pour nous appeler, n'hésitez pas. On a la colle également avec Nicolas. On va récupérer Lucas, on va récupérer Thibaut dans quelques minutes également en direct sur Fun Radio. Et puis bah vous, hein, tous vos messages, vous continuez à les balancer. On va également se faire le canular dans quelques minutes. Alors ça va être du lourd. C'est Rémi apparemment qui va passer hein, pour le canular dans quelques minutes. Et puis on va se faire aussi les teubés de la télé. Le temps d'écouter Au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio, le son de Martin Garrix qu'on écoute maintenant. Et il y a Jojo qui dit aussi moi j'ai déjà fait des photos de mes seins et ma chatte, j'avais 13 ans et j'avais envoyé ça à un mec. Et vous êtes dingue, sans déconner quoi. Mais complètement ouais, barré. Allez, c'est Mickaël No Limites sur Fun Radio, on est là jusqu'à 2h. Bienvenue et merci d'écouter. Martin Garrix sur Fun Radio, c'était Wizard et c'est toujours les 800 pubs évidemment. Et ouais, il n'y a plus de pubs jusqu'à la fin de l'émission sur Fun Radio. On est là jusqu'à 2h du mat du lundi au jeudi de 23h à 2h et puis le dimanche de 20h à minuit. Prévenez vos amis évidemment, il se passe enfin un truc à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe tous les soirs entre 23h et 2h et le dimanche de 20h à minuit. Il y a Cécile qui dit bonsoir Mickaël et toute l'équipe, pourrais-tu mettre une claque à toff de ma part? Bah écoute, c'est de moi. Bon, avec plaisir. Voilà, encore une. Voilà. Merci. Je vous écoute tous les soirs et j'adore ce que vous faites. Continuez comme ça, je vous adore. Dédicace à vous. Merci Cécile. Et DJ Koma qui dit que dire sur Toff, à part que c'est un enculé de sa mère. Et lui, je sais pas ce qui s'est passé avec Toff, mais il est très violent. Ouais, c'est également un. Sale bâtard. Voilà, ou même un. Bon, écoutez-moi, espèce de petit con. Voilà, c'est également un. Non, merde, pardon. Espèce de gros connard, va te faire enculer. Voilà. Bon, espèce de connard. Et voilà, donc c'est tout ça en même temps. Il y a Cédric qui dit mon nom en ninja, Cédric, donc c'est Mikute Shikimi. Amuse-toi bien. Bon, ça a été encore, hein. Gaël, c'est Jikakutataku. Très bien, Gaël. Alan également, moi, c'est Kata. Oh là, putain. Alors, Alan, Katatakato. Voilà, et Simon qui dit Toff, c'est une lopette, tout frais payé pour aller voir Let's Be Freaks à Nice et il peut pas y aller. Coup de pelle, lance-flamme et je mets de l'acide dans le cul. Bah, d'accord. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà. Il aura tout eu. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, effectivement, Let's Be Freaks voulait se faire défourailler par Toff. Et puis bon, on s'est dit, de notre bonté habituelle avec mais Polo. Oui, parce que vous êtes trop bons tous les deux. Voilà, on payait le transport à Toff et même un resto pour eux deux en amoureux. Oh, c'est trop direction bon. Nice. Il la défouraillait et il revenait jusqu'à la radio. Et évidemment, comme on n'a aucune confiance en Toff, on lui a dit tu payes tout et quand tu reviens et qu'on a la preuve, on rembourse tout. Et évidemment, on a bien fait de ne pas avoir confiance puisque il a dit mais non, alors non, alors non. Non, voilà. Moi, si vous payez, j'y vais, mais sinon non. Bah tu mais payes, oui, après tu on paye. On rembourse. Ouais, c'est ça, sans problème. Et après, vous me payez les heures. Ouais, c'est place, ça. Et on va payer ta mère, ouais. Oh la violence. Non mais toi, pauvre mère. On peut pas. Toujours non mais toi, on peut pas te faire confiance. Tu sais. La preuve. Alors nous, on est. On est bons princes. On est bons princes. On t'offre ce voyage magnifique. Exactement. Ah bah oui, oh là là. Car ça, tu trouveras ça nulle part. Bah voilà. Payé. All inclusive. C'est all in. En première au moins. Hein si tu veux, on s'en branle. Ah, vous êtes généreux. Voilà. Non. Qu'est-ce t'as dit, c'est que t'as dire là que tu me regardes. Bah, tu as dit un truc et t'as pas été plus loin. Non, parce que je pensais que t'allais me dire d'avancer aussi de l'argent. Non, t'as dit. Non, c'est bon. Non, vous êtes. Allez-y, non, c'est bah, vous, on n'avance rien. C'est lui qui doit tout payer son billet et nous on rembourse. Je disais que c'était un voyage unique. Ah bah bien sûr, unique au pays des merveilles. Ah oui, ça c'est sûr. À Wonderland. Voilà, oh Wonderland. Que tout le monde tweetait afin de faire mousser Toff afin qu'il assouvir les fantasmes de cette charmante lesbie freak. Voilà, et Mickaël envoie. Attends, qu'est-ce qu'on va mettre? Et Mickaël. Oh, hashtag. Et Mickaël envoie Toff à Nice. Voilà, et Mickaël envoie Toff à Nice. Voilà, mettez ça comme hashtag, tiens. Et s'il est en top 8, il part à Nice. Ouais. Hein, et il met une cartouche à Let's Be Freaks. Et voilà, il hoche de la tête, donc c'est très bien. Bon, allez hop, on va parler des teubés de la télé maintenant. On parle beaucoup de Belges ce soir, mais là, c'est quand même énorme cette histoire. C'est du bon teubé de la télé. Hein. Merci du plus profond de mon cœur pour nous envoyer régulièrement ce genre d'histoire. Écoutez bien ce qui suit. Contrôle d'alcoolémie sur une route près d'Anvers. La policière ne se rend pas compte que la voiture a été fabriquée pour l'Angleterre et que le volant est donc à droite. Elle fait souffler la passagère. Mais non. Merci. Mais c'est ouf, parce que la passagère, elle avait un verre dans le nez, donc du coup, hop, PV, tout le bordel. Et le conducteur, il était là, il attendait. Non, c'est complètement jure. Bourré, tu sais. Oh là là, putain, c'est un truc de dingue. Bon, et si vous avez des enfants, faites attention également à ce que vous dites. Ils retiennent tout, la preuve, donc comment ça va bien. C'est quoi le pire des gros mots? C'est ta gueule. Oui, ta gueule, maman a dit ça. Ah, elle dit ça à qui? Bah, au monsieur qui conduit la voiture. Elle dit quoi encore? Je vais t'arracher des yeux, tête du cul. Ah, il est trop... Tête de cul, voilà, exactement. Et après, ça pourrait être un futur ami de Tof. C'est ça, quelques années après, moi je les appelle et voilà. Et ça donne ça. Voilà. Suce ma bite. Voilà, ça donne des amis comme cela, très charmant au demeurant. Steven également qui dit, moi je l'aime bien Tof, il est marrant, mort merci de rire. Steven. Et puis Let's Be Freaks qui dit un gros bisou à mon Tof d'amour car il est toujours maltraité. Bah oui, mais bah oui. Merci Let's Be Freaks. Et Soussou aussi qui dit, moi avec mon homme, c'est presque tous les soirs des photos cochonnes, on vit pas ensemble, alors faut bien lui donner envie pour le week-end quand on se voit. Oui, effectivement, si vous habitez pas ensemble, effectivement, c'est le minimum syndical. On va continuer à parler des photos avec Clara qui est avec nous maintenant là. Bonsoir Clara. Salut. Comment ça va Clara? Ça va bien. Bon, t'as quel âge, t'appelles d'où? J'ai 19 ans et j'appelle du 62. Très bien. Bon, ben, bienvenue à toi Clara. Est-ce que t'as déjà fait des photos coquines? Non, mais en fait, comment dire, je prends mes amis en flag et je les envoie à tout le monde en fait. Comment ça en flag? Bah, je les prends, par exemple, genre tout à l'heure, j'ai pris un ami qui était encore, qui était aux toilettes, quoi. Mm-hmm. Et après, je l'ai fait tourner. Mais ça, moi, ça m'était arrivé au bahut. On était parti, tu sais, genre classe verte, machin. Et donc, tu sais, on était. Attends, il n'y a pas la musique de l'histoire de Tof? Ah, si, bah, ah, bah évidemment. Attends, bah, respire un peu, prends une gorgée d'eau. Voilà. Attends. Vas-y. Je peux y aller? Attends. Là, voilà, c'est mieux. Et. Heureusement pour moi à l'époque internet n'était pas aussi développé, donc tu sais il fallait encore faire des photos, il fallait les faire développer, donc ça a pas été très loin. Mais le truc quand c'est on vous dit qu'il avait 50 balais avec le magnésium là comme dans les westerns, voilà. Un pôle là. Pas loin, c'était un appareil photo jetable. Oh putain. Oh quelle époque. Oh cette époque de merde. Et je tiens à signaler que ma grand-mère fait toujours des photos avec ce genre d'appareil. Tu m'étonnes. C'est une artiste. Voilà, bien sûr. Elle a 90 ans, mais. Bah oui. Et donc, ouais, donc on était donc dans une chambre de 6. Attends, et... donc il y a des chances que tu ailles jusqu'à 90 ans? Non. Polluer le monde? Non, pas lui. Bon, d'accord, non, pardon. Normalement, je devrais finir avant. Surtout dans mon état de santé actuel. Ah. Voilà. Et donc en fait, la porte de la douche fermait pas super bien. Et donc, qu'est-ce que ces connards ils ont fait? Bah, ils ont attendu que j'aille prendre ma douche, que je sois sous la douche. Et donc, il y en a un qui a ouvert la porte tout doucement. Et puis, il y en a un autre qui est venu pour ouvrir le rideau. Ils ont ouvert le rideau, ils ont tiré une photo. Et donc après, j'avais la photo de moi avec, à poil, quoi. Avec ma maman en train de, enfin, de me faire les cheveux, quoi. De se faire les cheveux. Bah, elle est où cette photo? Alors écoute, il doit rester un négatif que j'ai réussi à récupérer. Ah. Et après je crois qu'il y a un pote qui doit avoir encore l'original. Ah ça, bah c'est voilà, ça, mais il faut trouver ça, on va tweeter, on va partager. Par contre, moi j'aime pas ça, je trouve que ça se fait pas. De quoi? Tu sais les mecs qui te prennent à l'impro. Tiens, encore tu montes. Ouais, non mais ça va. Non, ça se fait pas. Mais si. Bah d'ailleurs Clara elle le fait hein, l'improviste. Hop, photo et puis elle partage avec tout le monde cette connasse. Et hop bon, sur Instagram. Clara, rappelle-nous de ne jamais t'inviter à la radio hein. D'accord, aucun souci. Hein, parce que là, on va être en train de pisser dans les chiottes là, et puis on va voir quelqu'un passer derrière. Hop, trop tard. Ouais, mais c'était ça l'avantage avant quand il fallait développer la photo. C'est que t'avais le temps de réfléchir à la connerie que t'allais faire ou pas, tu vois. Alors que là, c'est déjà sur Instagram, donc c'est trop tard. Ah ouais, là, tu prends la photo, c'est uploadé. Hein, tu peux prendre en photo? Si, bah bien sûr, attends une seconde. Regarde ça. Smile. Ah, quelle horreur. Tu fais pas Wistiti pour avoir un beau sourire? Allez, on recommence. Oui. Allez. Wistiti. Qu'est-ce qu'il est moche. Merci. Sur Instagram. On va la mettre. Bon, attends, il y a Christopher également avec nous de Bordeaux là. Salut Christopher. Salut Mickaël. Comment ça va? Ben, ça va. Bon, bienvenue à toi. Alors, Chris, qu'est-ce qui t'amène? Ben, moi, du coup, j'ai déjà fait des photos. Ouais. Parce que, ma copine m'en avait envoyé. Mm-hmm. Et donc, du coup, j'ai envoyé des photos de moi nu, de ma tub et tout. Sauf que ce que j'avais oublié, c'est qu'au lycée, on aime bien des fois regarder les photos des autres sur les portables. Ah oui. Et le lendemain, du coup, il y en a qui ont regardé mes photos sur mon portable et ils sont tombés dessus. Ah, dommage. Et donc, ne jamais prêter son portable, mais jamais. Vous êtes complètement barré. Et donc, comment expliquer ces photos sur le portable? Eh ben, comment l'expliquer alors? De toute façon, j'ai repris vite fait le portable, j'ai effacé les photos et donc ils m'ont posé des questions, j'ai essayé d'esquiver, mais ça fait le temps du lycée quoi. Ça fait genre, il se prend tout seul en photo à poil en fait. Mais oui, voilà, c'est ça. Tu sais, c'est comme j'en vois parfois certains sur Instagram des auditeurs, tu sais, les mecs qui sont encore jeunes, mais tu sais, tu vois déjà les tablettes de chocolat. Profitez-en, ouais. Parce que ça dure pas en général, donc profitez-en bien. Et tu sais, ils se prennent en photo, tu sais, genre, mode beau gosse, et c'est après ils les postent. Vous en pensez quoi? Bah, t'as les tablettes de chocolat. Évidemment que les meufs, elles vont kiffer. Donc, c'est uniquement pour ça. Parce qu'il y a aucune meuf qui va dire, hey, mais t'es moche. Bah non, ils vont dire, ah, tablette de chocolat, pas mal. Même mon cousin, là, putain. La honte à la famille. C'est ça, mais c'est normal. Ça passera. Oui, bah bien sûr. Fait. Nous, les filles, on le fait encore. Ah, hein. Moi, je l'ai jamais fait, non. Mais des photos. J'ai jamais eu de photo et j'ai jamais eu de tablette de chocolat. Ouais, c'était ça le problème. Elles sont nez fondues, moi. Non, mais on se met en photo. Voilà, on va pas mettre les photos où on les chume. Ouais, c'est vrai. Alors que Polo, il y avait des tablettes de chocolat, lui, hein, d'acier. Hein. Mais il fut tablette un temps. D'acier. Il y a longtemps, oui, j'en avais. À l'époque où il était boxeur. Ouais, c'est ça. Il s'est fait boxer la gueule et puis depuis, ben là, il a pris un petit peu de ventre. Ah, c'était surtout à l'époque où il devait courir après le train, hein, qu'il n'entendait pas. Connard, va. C'est le... Il y a un auditeur qui. Grâce à notre auditeur SNCF qui est avec nous. Hein. Il est toujours là. Ouais, toujours. Voilà. Tiens. Le retard, ça. Ah oui, j'ai oublié, c'est l'année dernière. Voilà. Bon, il y a Margot qui a envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit sur iTunes. Margot qui dit bonsoir l'équipe, moi j'ai déjà envoyé des photos nues à un ami. Fais tourner Margot en tant qu'affaire. Bien sûr, si on peut avoir une ou deux. Bah, bisous l'équipe, je vous kiffe. Il y a Nespa qui dit je prendrais très mal que quelqu'un me photographie aux toilettes. Bah, tu m'étonnes. Et en parlant de photos, je rappelle qu'il y a une auditrice qui a eu un très très bon goût hier d'envoyer une photo d'elle avec un espèce de petit jogging, ma foi, un peu sexy quand même. Et surtout avec un soutien-gorge très sexy en marquant au-dessus du soutien-gorge sur la poitrine, donc qu'elle me kiffait. Voilà. Ouais, je me suis branlé sur cette photo. Eh ben écoute, il y en a plus de 6500 d'autres qui l'ont fait, donc t'inquiète pas. On l'a noyé, hein, la jeune fille. Ah ben voilà, c'est ça. En tout cas, on ne voit pas sa tête, mais le reste est très charmant. Moi, je la prends sans tête. Je n'en doute pas. Bon, voilà, donc Mickaël officiel, tapez ça sur Facebook si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. N'hésitez pas. Clara et Christophe. Christopher, t'as fini? Je ne sais plus maintenant. Oui. Ah voilà. Bah, merci à vous deux d'être passés. Vous revenez quand vous voulez. Ouais. Salut à vous et bon week-end. Bon, même si demain c'est vendredi. Allez, vas-y, Clara, une personne, choisis la bonne. Alors, mon homme qui est sur la route. Oh, très bien. Eh ben, message passé. Merci. Salut à vous deux, à bientôt. À bientôt. Ciao. Et puis on va récupérer Thibaut aussi dans quelques minutes avec sa meuf qui l'a trompé et elle a cassé les platines, hein, qui valent quand même 1 500 € la pièce. On aura Lucas qui voulait réagir également par rapport à ça. Et dites-nous d'ailleurs si vous aussi vous avez déjà eu des petits problèmes avec vos ex qui ont tout cassé. Qu'est-ce qu'ils ont cassé? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fini? 01 42 48 5000 et 02 851 4 x 0. Dans un instant, la réponse avec la colle de Nicolas. Plus on est prêt, plus on y pense. Et quand on y est, on n'y pense plus. Que suis-je? Vous envoyez la réponse par SMS en envoyant Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr venir nombreux sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Promis, je vous balance la réponse juste avant de faire le canular et surtout juste après le son de Showtech qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. La version 2014 de Cannonball, c'est Showtech maintenant sur Fun Radio. Il est 12:30, bienvenue sur Fun, c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h. Prévenez vos potes, il se passe enfin un truc à la radio et c'est uniquement sur Fun Radio que ça se passe. You and I have lost our minds. Et le son de Showtech à l'instant sur Fun Radio, c'était Cannonball la version 2014. Restez bien sur Fun Radio également, puisque je vous cale Shakira et Ariana, le nouveau son bien découvert sur Fun cette semaine. Voilà, c'est ce que je vous calerai dans quelques minutes sur Fun. Donc restez bien là, il y a le canular qui va arriver. Souvenez-vous, la semaine dernière, c'était du lourd aussi, puisque c'était le coup de la bombe la semaine dernière. Ah oui, c'était mémorable. Ah, magnifique. Bah, oui, la pression est grande pour Rémi. Va-t-il faire mieux que le coup de la bombe la semaine dernière? On verra. La barre est haute. On verra, mais effectivement, la barre est plutôt haute. Qu'est-ce que tu as à dire? Oui, la réponse à la colle. J'avais promis qu'on allait la faire. Eh bien, nous allons la faire. Est-ce que tu es là, Nicolas? Oui. Très bien. Bon, allez Nico, on va appeler le gagnant ou la gagnante puisque tu as posé la colle tout à l'heure. Les auditeurs ont dû envoyer leur réponse. On va tirer au sort parmi les bonnes réponses. Et puis si la personne qu'on appelle maintenant décroche et qu'elle donne la bonne réponse, elle gagne. Si elle ne décroche pas, elle perd. Nico, on y va? Ok. Et tu vas couper ta radio, Nicolas? Oui. Voilà, ça y est. Hop, c'est parti, on y va. On appelle en direct maintenant. Allez, je mets la petite musique évidemment de la colle. Allez. Tu récupères Thibaut, Lucas également là dans quelques minutes. Attention, deux jours de suite que ça ne décroche pas, Nico. Donc, et ça a l'air d'être bien parti pour que tu sois le troisième gagnant de la semaine. Ce qui n'est jamais arrivé, je tiens à le rappeler. Allô ? Bonjour. Vous êtes sur le répondeur du 06. Bah, bah, bah, bah, bah. 06, en même temps, il reste encore beaucoup de chiffres derrière. Mais... Ah, 0. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Allô, bonjour. Eh bien, tu n'as pas de prénom, c'est dommage. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Et je t'appelais bah, tout simplement pour te poser la colle. La colle de Nicolas. Nicolas, vas-y, répète-la. Plus on est prêt, plus on y pense. Et quand on y est, on n'y pense plus. Que suis-je ? Voilà, est-ce que tu as la réponse ? Oui. Oui, mais je m'en doute, Nicolas. Malheureusement, le répondeur n'a pas la bonne réponse, ce qui veut dire, Nicolas, que tu gagnes. Eh ben, bravo, Nico. Ouais. Tu peux remercier le... cache ta joie, Nicolas, surtout. Hein. Tu peux remercier l'auditeur ou l'auditrice là qui est sur le répondeur et qui n'a pas décroché. Et bah du coup, grâce à Ilwell, tu repars donc avec avec le cadeau, hein, caméra ou casque. Tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Salut, Nico. Salut. Salut, à bientôt. Et puis bah désolé pour la personne sur le répondeur, hein, c'est dommage, mais ce sont des choses qui arrivent. C'est comme ça. Bon, on va récupérer plein de messages aussi. Tiens, il y a Didier qui dit mobilisation générale pour Let's Be Freaks avec le hashtag Mickaël envoie Tof à Nice. Allez, on se bouge. Il y a Priscilla aussi, mon nom de ninja, ça donne Noshi Kwari Mikitatakika. Putain, c'est pas du tout long ça en plus. Et puis n'est-ce pas qui dit il était magique le canular avec la bombe. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a un auditeur, il y a Kevin qui m'a dit ouais j'ai besoin de rigoler, est-ce que vous pourriez remettre ce soir le passage où Toff explique son caca. Ah, encore? Ouais, c'est vrai qu'on l'a mis il y a pas longtemps, mais est-ce que notre agent de la SNCF a entendu la pause caca? Connard. Non, j'étais au travail. Ah bah voilà. Tu voilà. Mettais des contraventes, des contrebandes, des PV, ouais. Des PV. Exactement. Bon, connard, allez, bah. On écoutera peut-être ça tout à l'heure, il y a pas de problème. Et puis en attendant, eh bien, oui. Non, mais il y a quelqu'un qui nous signale qu'on n'a pas donné la réponse. Oui, bah pas faux du tout. Nicolas, attends, je vais le reprendre. Nicolas, effectivement, heureusement qu'il est là. Hop là. Nicolas, c'était quoi la réponse à la colle au fait? La mort. La mort. Donc attention, c'est quoi? Plus on est prêt, plus on y pense. Et quand on y est, on n'y pense plus. Effectivement, la mort, bonne réponse. Eh ben voilà, Nicolas, merci beaucoup pour l'info. De rien. Oh là là, mais Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé? T'as enterré ta famille ou quoi? Excès de mollesse. Nico? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu veux gagner un pins à la place? Non. Un porte-clé? Un porte-clé, je sais pas, une boîte d'allumettes? Des diapos? Un stylo? T'as pas l'air content d'avoir gagné, Nico? Bah si, je suis content. Ah bah ça s'entend pas, hein, Nico, hein, ça s'entend pas des basses. Oui, t'as joué, Nico! Voilà, voilà, voilà, il faut faire ça, Nico, là. Bon, allez, je te repasse Sandro. Salut, Nico, bon week-end. Ciao. Ciao à toi. Ah, sur le ciao, on sentait un petit... Ouais, il y a eu un petit regain, ouais. Un petit peu de positif, quand même. Allez, on revient dans quelques minutes sur Fun Radio avec, comme promis, Thibaut. Sa meuf l'a trompé et a cassé ses platines, du coup, quand elle s'est barrée. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des meufs ou des mecs qui ont tout cassé ou cassé des trucs auxquels vous teniez quand ça s'est terminé? Appelez-nous et dites-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis, on va accueillir maintenant Rémi pour le canular. C'est Rémi qui est là. Salut Rémi. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, oui, très très bien Rémi. Bon, t'appelles pour le canular? Voilà, tout à fait. Parfait. Alors, quelle va être l'histoire? Qu'est-ce que t'as pensé à quoi? En fin de compte, j'ai ma mère qui râle tout le temps parce que je conduis trop vite, je suis pas assez prudent. Bah y a pas que ta mère, à mon avis, les flics aussi doivent râler un peu, non? Ouais, j'ai quelques pensées à mon actif. Ouais, d'accord. Bravo! Le contraire m'aurait étonné. Bon, d'accord, ok, ouais. Donc, j'aimerais bien faire un petit canular à ma mère, hein, genre, je vais me faire arrêter par la police, j'ai roulé trop vite, un petit truc dans le style là, quoi. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire croire à ta mère qu'on est dans la voiture, là, et qu'on est en train de tracer, on a les flics derrière qui sont en train de nous courser. Ouais. Et que bah il y a un moment on va se faire arrêter par les flics, hein, ça y a pas de solution. Mais du coup bon bah pendant quelques secondes on va faire style qu'on est dans la voiture. Donc moi je suis au volant. À un moment je vais dire passe-moi le téléphone et prends le volant. Donc elle va croire qu'on est à 180 et qu'on va s'échanger le volant comme ça, ça va être violent. Enfin on va voir comment on peut s'arranger, mais on va essayer de s'arranger. Voilà, bon on fait avec, hein, j'ai pas une voiture qui va à 200 à l'heure, mais on se démerdera. OK? Ouais, OK, pas de soucis. Parfait. Allez, c'est parti, on y va. Comment elle s'appelle ta mère? Christelle. Bon, ok, d'accord. Allez, c'est parti. On y va. On appelle Christelle maintenant. Donc, n'oublie pas, t'es en panique. Moi, je roule là. Ah, ok. Pas de soucis. Allô? Allô, maman, j'ai un problème, là. Qu'est-ce que t'as? Tiens, c'est que j'ai pris la voiture, j'ai voulu partir faire un tour en voiture avec un copain. Ouais. Et... Allez, putain, casse-toi, laisse passer, putain, quel connard, celui-là. Arrête de gueuler. Mais non, j'ai pas un accident, je suis en train de rouler, là. Mais j'ai lancé la voiture à un ami à moi. Allô? Ouais. La voiture à qui? Allô? Oui. Ouais. Je suis en voiture avec un copain à moi, il a pris la voiture. Mais là, il roule trop vite, là, et on est en train de se faire courser par les flics. Quoi? Il bouge pas, là, quel connard, vas-y, rabats-toi, pauvre connard. Oh, putain, allô? Encore, la sale gueule. Oui, arrête de gueuler. Allô? Parle. Ouais, en fait il a pris le volant mais il veut pas s'arrêter, il avait un contrôle de flic, il a pas voulu s'arrêter, du coup là on est en train de rouler. Bah tu es là, tu es poursuivi? Hein? Bah oui, il y a le flic derrière moi là. Tu lui dis qu'il s'arrête? Mais j'arrête pas de lui dire, arrête-toi. Bah je peux pas là, attends, on va y arriver, je suis sûr. Mais non, mais on va y arriver de quoi, ils ont ma place. Arrête de lui dire qu'il s'arrête, bordel de merde. Allô? C'est bon, si on passe la frontière, on va y arriver là. Y'a pas de problème, il est 80 km. Mais putain, calme-toi. Allô? Ouais, allô? Mais dis-y qu'il s'arrête le soleil, t'es plus le cas ou quoi? Ben je sais pas, je vais te le passer. Attends, mais prends le volant, là, mais continue, t'accélères. Vas-y, je prends le volant. T'accélères, arrête. Eh, lâche rien, là, pousse sur le champignon, là, vas-y, passe. Ah ouais, mais là, passe. Je fais ce que je peux, là. Passe, je te dis, voilà. Vas-y, continue là. Allô? Oui, vous êtes qui là? Vous ouais, bonjour. Eh, hey, c'est Michel, je suis un pote là. Je suis un copain de Rémi. Bon, j'ai pris la voiture, on a été un petit peu vite, il y a les flics qui nous courent derrière là. Mais vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Hein. Arrêtez-vous, j'ai dit. Ah non, j'ai plus de poids sur le permis là, il n'est pas question de que je m'arrête, hein, c'est pas possible. Non mais vous inquiétez pas là, ils sont avec une camionnette là, ils arriveront pas à nous rattraper là. Ils sont derrière là, il y a deux motards et trois voitures mais ils arriveront pas, vous inquiétez pas. C'est une connerie ou quoi? Mais non. Eh vas-y, Rémi, vas-y, accélère mec, on est en train de se faire attraper là. Ah ouais, mais non, je vais avancer. Accélère. Je m'arrête. Non, t'arrêtes pas. 51. T'arrêtes pas. Oh putain. Allô? On nous arrêter. C'est ta faute, ça, c'était connerie, là. Non, bah attends, c'est bon, là, reste calme, il y a les flics qui arrivent, là. Eh, hey, je te préviens, s'il y a un problème, c'est toi qui prends, hein. Attends. Bah, t'es malade ou quoi? Eh, hey, si, moi, je t'ai rien demandé, moi. Moi, je t'ai rien demandé, il fallait pas t'arrêter, là. Quel copain est elle? Il frappe à la fenêtre, on ouvre la porte, on ouvre la fenêtre. Mais c'est moi qui conduisais, comment ça, c'est pas toi qui conduis, tu fais quoi là? Non, mais c'est pas moi, c'est le mec qui est à côté là, j'ai juste repris ta place là maintenant là. Déjà on met les mains sur le volant là. Non mais c'est bon là, les mains sont sur le volant. Mais c'est pas moi, vous savez, monsieur l'agent, c'est lui hein. Moi, c'est qui là? Allô? Moi je suis pour rien là. Vous raccrochez au téléphone là, on est pas en train de s'amuser, c'est pas la fête à la... Non mais c'est le père du monsieur là, qui roule père, là. On est obligé de vous courser là depuis tout à l'heure là avec la police belge. On vous course avec la police belge. C'est le... Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi, monsieur, mais c'est pas possible, hein, votre fils, là. Attendez, mets-toi par là, toi, du coup. Non, mais... Allô, monsieur? Oui, monsieur. Oui, ça ne va pas, hein. Il est où, monsieur? Ah, là, ici, vous êtes en Belgique, hein, monsieur? Ah, oui, hein. C'est une connerie ou quoi, là? Monsieur, est-ce que j'ai l'air de faire du rigolage? Mais attends, moi j'ai peur rien, moi je suis c'est super. Pas moi, c'est Rémi, moi je suis innocent, il m'a forcé à rouler vite. Tu es qui, toi? Moi je suis un ami, mais c'est Rémi. Là, le petit malin, là, tu vas fermer ta... Oui, mais le monsieur qui est dans le téléphone, c'est le père de qui? C'est le père de Rémi, le coupable. Bon, alors c'est ton fils qui conduit comme ça? C'est toi qui lui as appris à rouler comme ça? Bah bon, vous me tutoyez, vous? Bah et alors? Et comment? On vous apprend comme ça, la police belge? On a une arrestation à faire là. Bon, on arrête de téléphoner, moi j'ai pas que ça à faire, je dois rentrer là. Voilà, hein, le collègue il veut rentrer, donc tu vas bien te calmer. Hein. Ça sent le cannabis, hein. Moi je vais fouiller la bagnole. Non, il y a rien, là. Mais y a rien. Mais t'es et en plus tu élèves un drogué? Écoutez, c'est quoi ce bordel là? C'est quoi cette connerie là? C'est quoi ce bordel? Eh ben ce bordel, c'est que ton fils, il a pris sa voiture, il a roulé à 200 à l'heure pour traverser avec du shit la frontière. Attends, voilà, c'est ça ce qu'il y a, monsieur. On sait pas si c'est pas l'autre petit con là qui fait le malin depuis tout à l'heure. Bah en même temps, ils étaient à deux dans la voiture. Passez-les-moi mon fils, passez-moi. Ouais, eh ben je te passe ton fils et tu as intérêt à me trouver une histoire ici que c'est raccord. Hein. Bon allez, je te passe ton fils. Rémi? Ouais. Rémi, viens ici, c'est ton père. Allô? Allô? Ouais. T'es où, là? Au niveau de la Belgique, au niveau de la frontière. C'est une... qu'est-ce que le gars, il fait avec sa voiture? Qu'est-ce qu'il fait avec ta voiture, le gars? Rien, mais je croyais qu'il avait son permis, du coup, je l'ai passé. C'est une blague, Rémi, ou c'est pas une blague, là? Bah non, papa, je vais me faire arrêter. Mais c'est lui. Mais c'est pas moi, c'est pas moi, menteur. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te calmer menteur, ici. Qu'est-ce que tu fais? Mais ne m'empêche pas de sortir avec un chevreuil. Un chevreuil mort dans le coffre. Il y a un chevreuil. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ici? Non, je sais pas. Oh, les deux là, vous avez une explication? C'est lui, moi, je suis pour rien, moi, il m'a invité dans sa voiture. Bon, le menteur, c'est lui, putain. Non, vous allez pas vous battre là comme ça, là, comme des chiffonniers, moi, genre, on a pas que ça à foutre, hein. On va verbaliser, puis on va se barrer, là. C'est vrai que ça sent bizarre, tous les deux. J'ai reçu des messages, monsieur l'agent, est-ce que je peux les lire? Tu te crois où, là? Raccroche-moi cette merde avant que je te le pète sur ta gueule, moi, ton putain de téléphone de merde, là. On va verbaliser tout ça, on va péter la bagnole, j'en ai rien à foutre. Moi, vous faites un PV à Rémi, pas à moi. Hein. Les deux. Rémi, bon, on lui met combien là? Ouais, mais on fait quoi avec le truc dans le coffre là? Je sais pas, envoyé avec le père de Rémi, moi j'y suis pour rien, c'est pas ma voiture. Comment tu t'appelles déjà? D'abord, je vous répondrai quand vous me boirez. C'est quoi ton prénom? Bon, vous n'allez pas me parler comme ça, d'accord, ok? D'accord, bon, je te rappelle qu'il y a un truc bizarre dans le coffre là. Eh oh, c'est le délire là en Belgique là, c'est pas vous qui avez fumé du shit? Écoute-moi bien, tu vas bien te calmer. Toi, tu vas te calmer parce que tu vas pas me tutoyer, t'as compris? Le flic ici c'est moi, hein. Oui, le flic ici c'est toi, mais moi j'en ai rien à foutre. Alors... on parle pas comme ça. D'accord. En France, on parle autrement aux gens. Bah peut-être qu'en France, on parle autrement. Bon, moi je me casse, hein. Eh hey, mais il s'en va, c'est bon là. Je crois on a... excusez-moi, allô? Ouais. Ouais, j'arrive, je vous passe Rémi. Allô? Oui, allô? Bah, je sais pas quoi te dire, hein, papa. Passe-nous le téléphone, là. Ouais, j'ai bien vu qu'il avait rien à te dire, donc... bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir le chercher, hein, parce que maintenant, l'autre, il est parti. Du coup, on a ton fils, on a le shit et on a le renne, donc... donc, du coup, tu viens tout chercher, hein. On va le charger sur l'autre là, alors Rémi là il va. C'est ton fils qui va tout prendre, hein. Nous on s'en fout de toute façon. Grave, c'est pas grave, on va le chercher où là? Tu viens le chercher, il va te dire hein, où il est et puis tu t'arranges avec lui. Pas de problème. Ah, tu t'arranges, nous on va faire l'amende, hein, mais viens avec du liquide, hein, on aime pas trop les cartes. Ouais, nous, hein. ouais. D'accord, ouais. Je te passe Rémi. Hein. Allô? Oui? Ouais, faut que tu viennes me chercher en Belgique là. Oh, en Belgique! T'es où là, monsieur l'agent? Ici, c'est à la frontière, hein. Tu sais quand même où t'es, hein, on est à Dour là. Dour, j'en sais rien, moi je n'y connais rien. Ouais, t'as pas vu les panneaux, tu roulais trop vite, c'est ça, hein. Tu feras attention, t'inquiète pas, au retour, t'auras le temps de voir avec papa. Reste tranquille, tu vas voir. Arrête un peu, c'est bon, arrête de m'agresser. Bon, vas-y, arrange-toi avec ton père là, on fait les comptes pour l'amende. Ouais, y'a quoi dans ce coffre? Bah j'en sais rien, moi, je dis qu'il y a un renne, y'a pas de renne, c'est juste un chien. Un chien quoi? Bah je sais pas, l'autre il a ramassé avec les barres sur la route. Ah, passe-moi ton père. Ouais, bah. Passe-moi ton père, Rémi, bon. Monsieur, Rémi, monsieur. Oui. C'est la police française là, c'est plus simple. Bon on est un peu en fait je me suis retiré un peu là. On parle pas trop avec les Belges, hein, vous les connaissez. D'accord. Bon, écoutez, je vais vous expliquer un truc. On veut bien laisser votre fils partir, on jette tout à la poubelle, mais en échange, vous nous donnez un peu d'argent. Non mais vous avez, non, mais ils sont tombés sur la tête ou quoi, là? Écoutez, l'autre il a fui. Moi j'ai écouté, je vais rentrer chez moi, je vais voir ma femme et tout, elle me prend la tête depuis tout à l'heure, donc c'est la dernière intervention de la journée, donc voilà, moi j'ai pas envie de rester là. Bon, l'autre il s'est barré avec sa bagnole pourrie. On s'en fout, il est sorti, on n'en parle plus, on donne, bah allez, bon, vous avez combien là? Combien vous pouvez donner? Quoi? Combien vous pouvez donner? Non, bah vous faites le nécessaire, vous le gardez. Non, je donne rien. Non mais on va pas se prendre la tête là, nous on balance tout. Pas à vous prendre la tête, vous faites votre travail, point barre. Ah oui, attendez, monsieur, c'est pour vous, on vous aide là, on aide Rémi. Vous m'aidez pas, moi j'ai dit vous faites le nécessaire. Quoi, c'est-à-dire quoi le nécessaire? Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous devez faire, vous savez, c'est votre travail, c'est pas rien. Ah oui, je sais, mais bon, on va être obligé de le mettre en prison, là. Eh ben, c'est pas grave, ça lui prend du bien. Bon, bah, très bien. Bah, je vous repasse la police belge. Moi, j'ai allez, fait, flic, je vous dis... Allez vous faire enculer. Allô? Oui? Ouais, t'as trouvé un accord avec le collègue? Quel collègue? Bah, le collègue... Eh, allez vous faire enculer. Avec le collègue pour venir chercher ton fils. Qui? Chercher qui? Bah, t'es son père ou pas? J'ai dit, on ne tutoie pas. Ouais, je sais, mais enfin bon, à un moment, faut payer, faut on venir chercher. Pas, on ne tutoie pas. Allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer, ouais, c'est ça. Bon, écoute. Allez vous faire enculer. Écoute, ce qu'on va faire, c'est comme on en a marre de se faire humilier par ces petits cons, nous on va rentrer, on laisse ton fils là et tu te débrouilles. Oui, bah pas de problème, il est importable, il a qu'à m'appeler. Bah d'accord, et bah tiens, je te le passe, de toute façon c'est son téléphone. Hein. Allez vous faire enculer, pardon. Rémi. Allô. Ouais. Bon. Et ton père, il vient même pas payer l'amende, dis donc, quel enfoiré quand même. Scandaleux. Ouais, non, mais t'as vu ça, il m'aurait laissé sur place. Exactement, tout, ouais. Il t'aurait laissé galérer à la frontière. Mais carrément, carrément. Eh, c'est carrément. La radio, ça. Bah c'est oui. La radio. Il est jamais trop tard. Pourtant, je pensais qu'il allait remarquer plus vite avec le allez vous faire enculer, mais non, ça va marcher. J'espère rassurer maman. Eh, rassurez maman là, avant qu'elle nous fasse une sacope. Sanglote là. Je suis à quelle radio, je la connais, mais je sais plus. Oui, c'est Radio Puis Haleine. C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, papa. Eh oui, ah. Bande d'enfoirés. Oui, t'as vu, on avait mis l'oseille sur les bruitages. Hein. Hélicoptère et tout. Hein. Eh ben évidemment. Allez. Bon, papa, comment il s'appelle le père? C'est Laurent. Ah, Laurent, très bien. Eh, il a l'habitude d'avoir les PV, le Rémi, là? Bah, il en a déjà eu, ouais. Ah, il a déjà eu, bah oui. Parce qu'en fait, bon, bah là, on va lui... bon, là, il va en avoir un vrai, mais c'était pour mieux faire passer la pilule. Mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Bon, Rémi, on va te filer le casque Beats by Dre comme promis. Tu vas gérer ça avec Sandro. Ouais, bon, allez, passe. Eh bah, salut à toi, passe une bonne soirée. Gros bisous. Et allez, vous faire enculer. Oh, elle était bien, elle était belle, ma voiture, ouais. Non ouais. Magnifique. Oh putain, ça va tuer la voie, donc. Et ben. Pas mal Rémi parce que alors je sais pas lequel des deux était le meilleur entre la bombe et la voiture là, mais je pense que ça se valait quand même. Il y a Samy qui ont, il y en a plein d'ailleurs qui sont arrivés des messages. Clément qui dit allez vous faire enculer, énorme, je pleure de rire. Il y a Samy qui dit vous êtes tous géniaux, sérieux, pour mon retour vous me faites trop délirer, je vous adore. Bah merci Samy, la question c'était où t'étais passé surtout. Camille qui dit vous allez vous faire enculer, trop mort de rire pour Quentin. Benjamin qui dit tu déchires Mickaël. Il y a Grrr qui dit mort de rire, il est trop énorme le canular. Et Axel qui dit je kiffe entre la police française et la police belge. Je suis exposé de rire. Ça faisait un peu les douaniers, tu vois. Rien à déclarer, c'est ça exactement. Vous êtes des grands malades. Vous êtes sûr que ça va, c'est Xavier. Ouais, ça va bien. Ouais. Benjoui qui dit vous êtes trop fort pour le canular. Vous assurez les mecs. J'en peux plus avec mon pote. On vous écoute. Vous êtes trop fort. Respect à vous. Bah merci beaucoup. C'est gentil. Il y en a plein des messages. Je vais les lire encore dans quelques minutes. Je sais pas lequel des deux est le plus fort maintenant entre les flics et la bombe de la semaine dernière. Ah ouais. Ah j'hésite. Ah, si vous avez encore entendu la semaine dernière, dites-nous, tiens. Parce qu'il était, c'était lourd aussi la semaine dernière. Bon, on verra en tout cas. On va s'écouter le son de Shakira maintenant sur Fun Radio avec Rihanna. On écoute ça maintenant. C'est parti sur Fun Radio. Et allez vous faire enculer! Yesterday's mistakes, what forget you. Shakira sur Fun Radio avec Rihanna, c'était Can't Remember to Forget You. Il y a Snoky qui dit trop mort de rire, le allez-vous faire enculer. Il y a Franck également, sérieux, il est collecteur de canulars, des grosses barres de rire pour moi en tout cas. Il y a Johan sur l'application Mickaël No Limit sur iTunes que vous pouvez télécharger gratuitement, sans doute l'un des meilleurs canulars, énorme le père qui insulte les flics. C'est bien parce que semaine après semaine vous dites à chaque fois que c'est le meilleur canular de l'année, donc c'est cool en final. Hein. Magda, bah, il y en a aussi qui sont dans le doute hein, entre celui de la semaine dernière et celui-ci, là, celui-ci avec la voiture, le avec Rémi et celui de la semaine dernière avec la bombe était quand même pas mal non plus quand on avait appelé c'est un auditeur qui voulait piéger son oncle qui était pompier et on lui a fait croire qu'on avait monté une bombe avec les pièces qu'on avait achetées sur internet et que ça allait péter, enfin bref il essayait de nous donner des solutions et bon ça marchait pas très bien quoi hein, si vous n'avez pas entendu la semaine dernière. Il y a Nespa qui a envoyé un message qui dit les deux étaient extra mais j'ai quand même préféré celui avec la bombe et le suspense avec l'oncle qui répondait plus. Ah ouais j'avoue effectivement ça vous a mis dans la même en stress la semaine dernière. Il y a India aussi qui dit j'ai préféré les flics, trop énorme, je pense qu'on est tous d'accord, j'en peux plus avec le allez vous faire enculer 4 fois. Magda aussi la semaine dernière c'était du lourd mais ce soir c'était méga lourd, j'ai surkiffé. Axel également, cette radio pue de la laine mais explosée. Non je disais radio puis à laine, c'est une radio qui est dans Picardie. Il y a Monté Dadou qui dit sacré Mickaël qui s'est évadé, qu'est-ce qu'il y a, Kizou, trop bon la blague, franchement excellent, je suis plié du début à la fin. Et Serge qui dit encore meilleur que le canular de la bombe. Ah ouais quand même, il y en a qui ont préféré malgré tout, hein, c'est pas mal. Et le chevreuil dans le coffre, ouais, et Toff qui dit ouais c'est bon on a le renne. Ouais. Alors c'est un ouais. Chevreuil, le renne, il est con lui, n'importe quoi. Ouais. Et Joss qui dit remets le son d'iPhone, 100% des gens qui ont un iPhone l'ont certainement regardé. Ah tu parles de quoi, de celui-là? Voilà celui-là. Ah oui c'est. Ah j'ai un message. Off. Ah bah non. Le canular de ouf, un chevreuil mort, c'est Benji. Et puis Manu Découpage qui dit ce canular était meilleur, j'en ai pleuré de rire, surtout j'ai kiffé le va se faire enculer à la fin. Bah ouais attends, moi je me croyais sur un circuit, c'est normal, il fallait bien que je leur fasse une petite dédicace à la police. Hein. C'est drôle. Normal. Bon allez, continuez à nous appeler, n'hésitez pas surtout, hein, vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique si vous voulez discuter avec nous. Et puis si vous voulez faire le canular de la semaine prochaine, là aussi vous pouvez appeler et on en parle évidemment avec grand plaisir. Thibaut qui est toujours avec nous, Thibaut. Ouais. T'avais écouté la semaine dernière le canular toi ou pas? Non. Ah oh, dommage. Dis donc j'ai pas eu le temps. Bah et c'est surtout toi que t'as raté un truc Thibaut là. Parce que le canular la semaine dernière c'était à base de la de bombes. Comme je te dis, on avait appelé l'oncle d'un auditeur là qui était pompier, qui devait nous filer un coup de main parce qu'il y avait une bombe qui allait péter, etc. Et donc j'aurais voulu avoir l'avis pour voir si tu préférais celui qu'on vient de faire là avec Rémi ou celui de la semaine dernière. Bon bah tu peux pas savoir. Celui avec Rémi, sincèrement, il est pas mal. Bah écoute, on s'est bien marré à le faire en tout cas, ça c'est clair. Mais bon. Bon Thibaut, tu nous avais appelé toi parce que ta meuf t'a trompé, c'est ça? Ouais. Et en plus, elle a cassé les platines. C'est vrai qu'il y a un truc quand même que... Donc du coup, j'avais demandé aux auditeurs, auditrices, s'il y en a qui avaient effectivement eu des ruptures difficiles avec leurs copains ou copines, genre soit vous avez tout pété, soit la meuf ou le mec que vous avez quitté ou qui vous a quitté a tout pété. Venez nous en parler d'ailleurs. Hein, donc appelez-nous au standard 01 42 48 5000. Et donc du coup, c'est-à-dire que Thibaut, la meuf te trompe et c'est elle qui pète le matos. C'est ça. Elle gonfle quand même. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Mais tu vois, c'est vraiment la meuf qui a peur de rien. Elle s'est arrangée à péter ça le vendredi soir, sachant que le samedi j'avais une presta. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Non mais le pire c'est que attends, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce que dans l'absolu, si elle te trompe, parce que j'avais mis ses quatre vérités dans la gueule, et elle avait pas apprécié. T'as mis quoi? T'as dit quoi comme vérité? Je lui ai dit de toute façon qu'elle avait joué à la salope, que fallait qu'elle arrête de tromper les mecs et tout ça, qu'elle a pas. En fin de compte, je lui ai balancé des trucs, mais elle a pas du tout apprécié. Bah oui, mais enfin, en même temps, après, elle a cherché, hein, elle a été se faire pécho ailleurs, bon, bah voilà. Parce que je vois, moi, c'est ce que je lui ai dit, tant que tu me préviens, sincèrement, je vais rien dire. Mais là, elle avait fait un petit dans le dos, donc... Ah, donc c'est-à-dire que si elle t'appelle avant pour te dire, écoute, je vais me faire baiser par un autre, là, il n'y a pas de souci. En fait, tu seras un mauvais joueur, oh, chéri, je peux te faire cocu, quoi. Oui, je vais te cromper. Oh, bon, d'accord, ok, d'accord. Bah, tu m'as prévenu. Tu rentres à quelle heure? D'accord, oui, n'oublie pas d'aller chercher une petite bouteille de coca au magasin, hein. Je vois, moi, c'est pas le truc qui me dérangerait si ma nana m'appelait, je peux aller coucher avec un autre mec. Mais t'es un ouf, elle m'appelle pas, mais c'est mort. Mais tu fais pareil, hein. Par contre, si vous êtes une meuf et que vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à appeler moi. Ouais, on peut en parler. Ouais, tu fais pareil, toi, ou pas? Comment ça? Bah, est-ce que tu préviens ta copine aussi quand t'en as une en disant, bon, écoute, m'attends pas ce soir parce que je vais aller baiser une autre? Généralement, ça fonctionne que dans un sens et pas dans l'autre. Ah, ouais. T'es idiot, toi. Bah, alors, toi, c'est con parce que toi, tu donnes tout et tu prends rien. Tu devrais baiser. Bah c'est con, c'est vrai. C'est tout le temps comme ça. Bah ouais, attends parce qu'il y a Lucas qui est avec nous également. On dit, non dans le 33, salut Lucas. Salut, ça va l'équipe? Ça va et toi? Ça va, t'as une équipe? Ouais, ça va. T'avais écouté la semaine dernière ou pas, toi, le canular de jeudi dernier? Ouais. Alors, t'as préféré lequel? Celui de ce soir avec la voiture ou celui de la semaine dernière avec la bombe? Franchement, les deux, ils sont énormes. Ouais, mais lequel était mieux? Bon, celui-là d'aujourd'hui, il était vraiment bien. Ouais, donc mieux que la bombe? Ouais, moi je trouve, ouais. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, c'est parce que j'essaie de faire un petit sondage. Il y a Ariel qui dit la meuf de l'auditeur mérite bien un petit va te faire enculer. Certes, c'est vrai, elle mériterait même bien ça, tiens. Sur ma vie, je te nique ta mère. Voilà, voire même ça. Sale bâtard. Alors évidemment, c'est toutes des insultes qui sont faites pour les mecs, puisque c'est sur Tof que ça tombe à chaque fois, hein, donc c'est ça. Il y a India qui dit aussi, c'est quoi cette meuf sérieux? Et Ariel qui dit, la meuf de l'auditeur. Ah oui, ça je l'avais déjà lu. Le prince Nadia qui dit, elle a voulu se défouler en cassant tout, mais au final, ça sert à quoi? À rien. Bah non, parce que pour le coup, c'est même pas lui qui est en tort. Encore, c'est lui qui l'aurait trompé sur l'énervement, tu casses un truc, bon, pourquoi pas. Mais là, c'est un truc de ouf. C'est lui la victime. Ouais, ça serait comme Hollande où elle arrive et qu'elle pète tout dans son bureau, d'accord. Mais là, c'est elle qui a trompé. On est d'accord, ouais. Et toi, Lucas, c'est quoi qui t'est arrivé? Dis-moi, tu nous appelles pourquoi? Ben, en fait, parce que j'ai trompé ma meuf. Ouais, normal. Mon ex, pardon. Bon, normal, c'est con, oui. Et en fait, elle a pété un plomb, donc elle a dit ouais, viens, faut qu'on parle et tout. Et du coup, donc je suis allé lui parler et tout. Et elle a dit, alors c'était bien avec l'autre salope et tout. Je suis ouais, c'était tranquille. Et là, elle a pris mon iPhone 4S, elle a explosé contre le mur. Mais tu t'attendais à quoi aussi? Oui, c'est ça, oui, tu t'attendais à quoi? La baffe, hein. À ce qu'elle te prenne l'iPhone 4S. Ah bah toi, on va faire une photo à deux amoureux. Hein, on va s'embrasser une dernière fois. Ouais. Quand même, ça vaut cher quand même. Non mais d'accord, évidemment que ça vaut cher, mais après t'as fait de la merde, bah voilà maintenant. Mais t'es... son petit cœur, tu crois qu'il ne vaut rien? Exactement. Hein? Tu crois qu'elle n'a pas souffert? Sale con. Bah oui, mais bon, t'as cherché les emmerdes, Lucas là. Tof, t'as déjà dû prendre cher aussi toi avec une meuf, non? Jamais. C'est bien le truc, c'est que. Ah, t'as pris une baffe quand même une fois. Hein. Ouais, j'ai pris une baffe, mais c'était une petite baffe. Ah, elle était bonne. Hein. Non, mais j'aurais préféré la baffe que l'iPhone. Oui, ouais, bah, non, mais bien ça, sûr. Des baffes, ça, j'en ai pris plein, des baffes. Mais je veux dire, des meufs qui m'ont cassé des trucs, jamais. Ou alors, s'il y en a une, je sais pas, c'est les vitres de ma voiture. C'est-à-dire que je sais pas si, en fait. Ah oui, la fameuse affaire. Je sais pas si c'est une ex, mais voilà, pendant genre une semaine, quasi tous les jours, j'avais une vitre de péter à ma voiture. Ah oui, oui, ça peut être ça. La même, en plus, la même vitre à chaque fois. Non, ouais, c'est la même à chaque ouais, fois. Ouais, c'était chaque fois la même. C'est-à-dire que je revenais de chez Carglass, je la garais devant chez moi, la vitre était pétée. Ça, c'est une ex obligée. Ouais. C'est une ex ou le mec d'une ex ou une connerie comme ça. Ouais. Ouais, voilà, après, je sais pas, mais je peux pas. C'est pas un mec qui passe par là et qui pète le truc. Je veux dire, il y a un moment. Toi, c'est tellement con qu'il est capable de la péter lui-même. Oui, et il oublie, ouais, c'est ouais, ça, exactement. Mais qui c'est qui a cassé ma vitre? N'empêche, c'est la quatrième fois où je suis retourné chez Carglass. Le mec, il me dit pas la peine, hein, laissez-la là, vous reviendrez demain, je vous compterai deux fois la vitre. C'est clair, ouais, tant qu'à faire, ouais. Bah, mais merci, Lucas, d'être passé. Ouais, mais continuez comme ça, franchement, vous êtes super. Bah, c'est gentil, merci beaucoup, Lucas, je t'embrasse, passe une bonne soirée, bonne nuit, à bientôt. Salut, ouais, et oublie pas de prévenir tes potes, hein, Lucas, qui a un truc à écouter le soir à la radio sur ouais, Fun. T'inquiète, j'ai prévenu tout le monde déjà. Bon, et précise bien que tu es sur Fun Radio, hein, parce qu'il y a peut-être parfois des Mongols qui iraient voir ailleurs. Sait-on ouais. jamais. Salut Lucas, merci beaucoup, salut. À bientôt. Ciao à toi, bye bye. Allez. Bon, et Thibaut, bah du coup là, si tu peux rien faire, hein, si t'arrives plus à retrouver la meuf comme tu nous disais tout à l'heure en début d'émission, bah y'a plus qu'à économiser, jeter de nouvelles platines. Hein. Bah disons que j'ai pendant que vous faisiez le canular et tout ça, j'ai regardé ma facture et c'est une facture à 4000 euros. 4000 ouais. euros, c'est et 2000 ouais, euros mec. La platine. Oh putain. Ou alors, quel âge elle a la meuf? 18. Bah tu vas ouais 18 ouais. Parce que sinon t'aurais pu aller voir ses parents en disant écoute bon moi je veux bien faut mais payer là hein. La meuf elle fait ça moi j'y peux rien. Ou tu portes plainte en fait au final tu vas chez les flics, tu dis voilà moi je porte plainte contre cette personne là, elle a cassé le truc, et voilà. Parce qu'en fin de compte j'en ai parlé à ses parents, mais ses parents j'ai appris derrière qu'ils s'entendaient pas très bien déjà avec les voisins parce qu'ils faisaient chier leurs voisins. Donc j'ai fait c'est mort. C'est mort par les voisins. Bah oui, mais justement, on va directement chez les flics, tu portes plainte au final. Elle avait pas à faire ça, faut quand même pas déconner. Ouais. Moi je le ferai hein, à ta place. Ah bah après tu fais comme tu veux, Thibaut. Ça se trouve ça mènera à rien, ça se trouve ça mènera à quelque chose, tu sais pas, mais bon, au moins tu l'as fait. Ouais. Et au moins ça va la faire chier, tu vois, même si tu récupères rien, elle va quand même devoir aller chez les flics, s'expliquer. Au moins ça va lui prendre la tête et elle va voir que tu te laisses pas faire et que t'es pas un pauvre mouton à la con, quoi. Oh mais c'est surtout que juste après ça, j'ai vraiment gueulé dessus. Là, j'avais pété un câble. Ouais, mais bon, ça va pas faire revenir tes platines, ça. C'est clair. Ah, bah voilà. Alors que porter plainte avec un peu de bol, ça fera peut-être revenir tes platines. Peut-être. Ah, bah tiens, on sait jamais, hein. Bah, pour, bon, bah... pour te dire, C'est-à-dire que c'est même que Mikosé utilise pour Party Fun, c'est exactement le même. Ah bah écoute, t'as qu'à passer à la radio. Alors ce que je te conseille, c'est que tu demandes à Miko de passer un soir. Pendant qu'il va au chiot, tu dévalises les deux platines et tu les mets dans ton slip. Et voilà, tu te barres en courant. Et tu te barres en courant, ça c'est une possibilité, ouais. Disons que les... Bon, sincèrement, je me ferais pas chier, je prendrais les trois, hein, mais... Ouais bah voilà, ou alors tu sais quoi, ce que tu peux faire... Quand même dans le cachon. Ouais, bah alors ce que tu peux faire éventuellement, tu donnes un billet de 500 à Toff et puis lui il vient te descendre à la radio là tout à l'heure dans une heure. Bah oui, ah oui. On se retrouve en bas quoi. On se retrouve. Vous foutez pas de la gueule de Toff, hein. Je joue de la flûte, hein. Vous foutez pas de la gueule. Ah non, mais la flûte c'est Polo, donc ouais, ça va, à ce niveau-là t'es tranquille. Tu peux me jouer de la flûte et puis après, l'autre il est DJ, il joue de la flûte. Bah même ça, c'est les nouveaux DJ, tu vois, ils jouent en même temps que. Ouais, ils c'est ça. Ah non, en plus, c'est vrai, en même temps de remixer, j'en joue. Bah oui. C'est beau. Non, mais C'est un peu de New World Sound avec de flûte. Il va nous faire ça. Un nouveau single à l'occasion. Bon bah Thibaut, en tout cas, bah tiens-nous au courant là, quand t'auras été porté plainte si ça a donné des nouvelles ou pas, d'accord? Ok. Ça roule. Salut Thibaut. Salut. Allez, ciao à toi. Il y aura Didier dans quelques minutes, 22 ans de Paris. Salut Didier. Salut. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Bon oui, ça va très très bien Didier. Bon alors, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi? Bah on parle de sexe en public. Du sexe en public? Bon, ouais. D'accord, ok, très bien. Bah, reste avec nous. On va en parler dans quelques minutes. On va encore faire des appels avec Toff. On n'a pas fait beaucoup ce soir. On est un petit peu en retard avec le canular. On fait ça dans quelques minutes. Le temps d'écouter le ton de Dimitri Vegas maintenant sur Fun Radio. C'est Stampede. Il y a Let's Be Freaks qui dit Mickaël envoie Toff à Nice. Premier top tweet en France. Vous êtes des dingues. Merci à tous. Ah, et ben voilà. J'en connais qui va partir un petit week-end dans le sud de la France. Bah, tant que c'est toi qui paye, y a pas de souci. Ah bah on s'était engagé. Non, je ne paye pas. Polo et moi payons. Ouais, vous faites comme vous voulez. Mais et ça pas. C'est beau. Le son de Dimitri Vegas. C'était Stampede à l'instant sur Fun Radio. Et ouais, numéro 1 top 8 en France, c'est pas mal. C'est très très bien même avec le hashtag Mickaël envoie Toff à Nice. Voilà. C'est bien, hein, petit week-end pépère comme ça. Il grave, bien, là, s'enculé, là. Franchement, ça me fait plaisir. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bah, évidemment que ça lui fait plaisir. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, allez voir, hein, je vous ai mis, pour ceux qui n'ont pas Twitter, je vous l'ai mis sur le Facebook également, là, facebook.com/mikaelofficiel. Vous allez voir ça, n'hésitez pas. Et puis, bah, likez, partagez. Et puis surtout, prévenez vos potes qu'il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Et c'est bah, Mikaël de Limite, 23h, 23h, 2h la semaine. Et puis de 20h à minuit, c'est tout. Les dimanches soirs sur Fun Radio. Il y a Megumi qui dit le nom ninja, moi c'est Rinkuji Dorinki. Pas facile à porter quand même. Je vais en chier dans la vie de Toff. Un conseil pour supporter un nom de merde. Effectivement. Et puis en parlant de Toff, justement, on continue les appels. Je rappelle qu'en Belgique, il n'y a plus de sperme. Non, c'est scandaleux. Les banques c'est dramatique. De sperme, oui, les banques de sperme sont vides. Et du coup, ben, depuis tout à l'heure, on appelle des gens, les numéros que vous nous envoyez sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On essaie de trouver des gens qui seraient d'accord de donner un petit peu de sperme. Bah oui, juste pour rendre service. Voilà, bon d'habitude on fait ça vers la demi. Bon là on est un peu à la bourre à cause du canular. Mais c'est pas grave, on va appeler maintenant. Plus c'est tard en général, plus c'est rock'n'roll. Plus c'est bon. Exactement. Allez c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Merci pour le numéro, je sais pas chez qui on va. Mais on y va c'est sûr. Allô. Oui bonsoir madame. Bonsoir. Oui bonsoir, voilà en fait je vous appelle parce qu'il y a une pénurie de sperme en Belgique en ce moment. Mais c'est bien monsieur, vous voyez pas l'heure qu'il est. Non mais ça va pas, non, vous prenez pour qui? Ben en fait je vous appelle pour savoir si votre mari... Allô. Ah merde, elle est partie. Bon ben c'est pas grave, on va le rappeler. Hop là, c'est parti, on y retourne. Mais ça va pas, vous avez vu l'heure qu'il est, pour les qui. Oui, allô. Oui. Oui, non, je voulais savoir si votre mari aurait pu faire un petit don, madame. Non mais vous vous prenez pour qui? Vous voyez pas l'heure qu'il est, monsieur? Ben si, je vois bien l'heure, mais je vois pas le rapport, madame. Allô. Ah, il est relou, c'est bon, au lieu de répondre oui ou merde, quelque chose quoi. Ça, on irait plus vite. Bah oui, bon, on la rappelle. Attends, on voit bien l'heure qu'il est, 1:55. Je sais pas pour qui vous vous prenez, peut-être falloir arrêter votre cinéma. Alors arrêtez d'emmerder le monde. Mais je vous emmerde pas madame, je voudrais juste récupérer un peu de sperme de votre mari pour c'est la banque bien, du sperme. Monsieur. C'est bien monsieur, au revoir. Mais oui, mais alors, comment on fait? Allô. On fait mal là, visiblement. Bah oui, là on avance pas là. Bon, on rappelle encore un coup. Bah oui, une dernière. Bon, allez hop, on rappelle encore un coup. C'est parti. J'en écoutera aussi juste après Jason Derulo avec Marry Me. J'en aura Didier aussi qui voulait parler de... Allô. Oui, excusez-moi madame, mais faut pas le prendre comme ça. Oui, mais qui êtes-vous déjà? Ben moi je m'appelle Toff madame. Eh ben moi je suis Gertrude, au revoir. Ben oui mais ça... Madame, allô. Allô. Oui. Oui, non, votre mari, il peut pas faire un don de sperme pour la Belgique. Bon, on est parti. En tout cas, on avait très très bon téléphone. Hein. Ça nous a fait un petit écho. Je crois, on s'est écrit dans une club discothèque. Ah, j'adore son prénom. Oui, Gertrude. Bah, du coup, on va la rappeler. Tiens, comme c'est une autre, hein. Apparemment, ça va être maman qui a décroché, un moment ou un autre, hein, j'imagine. Donc, je disais qu'on allait parler avec Didier, donc de l'amour en extérieur. Si vous avez déjà niqué dehors, venez nous en parler. Appelez-nous maintenant. 01 42 48 5000. Oui, allô. Allô. Oui, excusez-moi, on a été coupé, madame. Ah, encore vous. Ah, vous continuez. C'est bien. Vous êtes enregistré, j'ai porté plainte. D'accord, mais alors votre mari, il peut faire un don ou pas? Non, là, il peut pas faire un don. Là, oui, non, là, c'est terminé. Je pense que on n'aura pas de réponse. Non, c'est triste. On n'aura pas de réponse. C'est pas grave. Bon, on en fera d'autres tout à l'heure des appels. Là. Si vous en avez des numéros à donner, n'hésitez pas sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon, Didier. Oui. Allez, on va parler avec toi maintenant de l'amour en extérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais je veux dire, qu'est-ce qui t'est arrivé pour venir en parler? Bah parce que tout à l'heure j'ai suivi la radio et puis j'ai entendu quand vous avez lancé les trucs, il y avait qui ont... On a lancé quoi exactement? Attends, j'ai pas compris, quand on a lancé quoi, ouais. Tout à l'heure quand vous êtes... je crois il était 23h quand ça passait à la radio, quoi. Mais la fille qui l'a fait au rond-point, le mec... Ah, dans le VinFun, d'accord, ouais, oui. Bon, très bien, oui, effectivement, oui, c'est vrai, il y avait une meuf qui avait baisé sur un rond-point, ce qui est très, très original, hein. Mais genre au milieu du rond-point. Au milieu du rond-point. Ah ouais, sympa. Ah, c'est kiffant, ça, voyons. Ah, ouais, ça dépend du rond-point, après, mais... ouais, t'imagines, tu fais ça à la Concorde. C'est bien. Ah oui, ça serait super. Même c'est pas mal. Ah ouais. Moi je le ferais bien. Bon, c'est pas un rond-point, mais en plein milieu, place de la Concorde. Hop là, ça y est, tu t'installes. Ouais, moi je suis d'accord. Moi je le ferais bien. Ou place de l'Étoile. Bon, le problème c'est qu'il faut arriver au milieu sans se faire écraser. Donc, mais non, il y a un tunnel. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un tunnel. Sur bon, oui, c'est vrai. Bon, et toi, du coup, tu voudrais faire ça où? C'est où l'endroit le plus original en extérieur où t'as déjà fait ça? Bah, à vous de choisir, parce que j'en ai fait trois endroits différents. Alors explique, c'était quoi les trois endroits? C'est à moi de choisir. Non, choisis pas, explique les trois, on n'est pas dans le détail. Bah oui. Et la première fois, c'était avec mon ex. Ouais, et c'était où? On était dans un parc, on se baladait tranquille et plus subitement, il me dit, comme dans la pub, il me dit, j'ai envie tout de suite. D'accord. Dit, tu déconnes, là, nous sommes d'ailleurs. Elle me dit, bah alors on s'en fout. Bah ouais, elle a un peu raison. T'es sérieuse? Elle me dit, ouais. Bah je l'ai pas pris au sérieux, tu vois. Et là, on se pose, elle commence à m'ébranler, elle met la main dans mon front direct, elle commence à m'ébranler et tout, et là, elle était devenue chaud. Et il y avait du monde qui passait à côté. Pendant que les gens passaient, elle s'arrêtait, dès qu'ils ont traversé, elle continue. D'accord. Et là, vu qu'après, moi, j'ai pris la confiance aussi, j'étais tellement chaud, je ne me retenais plus. Ouais. Du coup, on s'est un peu éloigné, plus loin, mais... Il y avait des gens qui nous voyaient, voilà. Il y a un qui nous a vu, il est parti appeler ses potes et tout. Et après, ils sont revenus, ils se sont fait une branlette en vous regardant. C'est ça, la prochaine fois que tu fais ça, tu dis, nous, après, on passe, hein. Eh ben, voilà, on a changé de place et ils sont venus, ils nous ont pas vus, mais moi, je les voyais. Mais ça nous a pas arrêté, on a continué jusqu'au bout. C'est pas mal, et sans se faire griller, en plus, parce que c'est interdit, en plus, de faire ça. Eh ben oui, j'ai savais. Et du coup, elle a pris la grosse tête maintenant. À chaque fois, c'est devenu son kiff, quoi. D'accord. Ah donc du coup voilà, à chaque fois maintenant soit c'était en bas sous les escaliers, en bas de son immeuble, de mon immeuble et tout ça. Dans une poubelle, vous avez essayé ou pas? Non, c'est le banc public en bas, on suit sur la route, elle est à mini-jupe et elle est venue chez moi, au retour elle me dit bah mets un jogging. Je dis mais pourquoi tu veux que je mette un jogging? Elle me dit elle va essayer un truc. Et je mets mon jogging, elle me dit non tu mets rien à l'intérieur, juste le bas. Je mets le bas. Tu mets rien à l'intérieur. Ouais. Pourquoi d'habitude tu mettais un coussin? Ouais. Parce que c'est pas un Kinder surprise, hein. C'est ça. Voilà. Et là, on sort, on est en train de partir je pars pour l'accompagner. On arrive, il y a un banc, il y avait un lampadaire juste au-dessus. Ouais. On se pose là. Et elle s'assoit sur moi, elle commence à me faire un petit body check et tout. Bam, direct, bah j'ai bande. Normal. Ah bah oui, normal, j'ai bande, voilà. Ouais. Est-ce que tu parles avec le kit main libre là? Parce que j'essaye de déjà deviner ce que tu dis. Alors j'imagine les mecs qui sont dans leur voiture ou dans leur camion, là je pense qu'ils comprennent que dalle. Ils doivent entendre. Non, je suis en direct, non. Oui, non, t'es en direct, ça bien sûr. Mais je veux dire. Au courant, ça. Ou peut-être que le téléphone est peut-être un peu trop près de la bouche, peut-être. Non, c'est normal. Là. C'est normal. Bon, bah tant pis, j'aurais essayé. Bon, et donc du coup, alors vas-y, continue le body shake. On était où après? Et du coup, voilà, quand elle a commencé ça, voilà. Et moi, je commence le bandeau aussi. Et bah oui. Voilà, elle a soulevé sa jupe. Elle s'est assise sur moi. Et tu lui as mis une cartouche. Voilà, elle a juste baissé mon front un petit peu. Ouais. Le gros souci, c'est que comme elle était assise sur moi, elle a tellement mouillé que j'avais une flaque devant mon pantalon. Ah, une femme fontaine. Une femme fontaine, t'en as une, dis donc. Et le pire, c'est que j'étais loin de chez moi, il fallait que je prenne le métro pour entrer. Ah bah c'est bien, tout le monde a cru que tu t'es pissé dessus. Oh là, non mais... Quelle horreur. C'est qu'il y avait l'odeur de la chatte dessus, quoi. Dans le métro, je me sentais très mal. Il y avait tout le monde qui me regardait. Bah oui, tu m'étonnes avec cette odeur là. Dites-nous, tiens, les autres, tiens, si vous avez déjà fait ça en extérieur et comment ça s'est passé. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était pas prévu? Etc. etc. Appelez-nous maintenant, hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Christophe qui dit: depuis que je taffe de nuit, je vous écoute tous les soirs. J'adore votre émission, sérieux, vous gérez trop bon le canular de tout à l'heure. Merci Christophe. Secret Key qui dit aussi: ah oui, moi mon nom ninja c'est Mifushiki Kikatoku. Voilà, c'est ça, c'est Secret Key. Donc je rappelle que vous pouvez faire vos noms de ninja, hein. J'ai mis ce qu'il fallait faire pour les transformer en nom de ninja sur le Facebook de l'émission de tout à l'heure. facebook.com/mikelofficiel. Y a N'est-ce pas qui dit: Toff, fais ta valise, tu pars à Nice. Glemd, oui, aussi qui dit: un petit coucou de vous, juste pour moi me ferait plaisir. Eh bien, gros bisous de Glemd. Voilà. Et Toff, il a déjà fait lui, hein, dehors. Ah bah plein d'endroits. Je sais pas par où tu veux commencer, mais. Ah bah j'en sais rien moi. Le plus sympa, c'était dans un bois. Et en fait, si vous, on était cachés par les arbres et donc il y avait le chemin juste à côté. Donc les gens passaient vraiment sur le côté. La meuf, elle avait les mains sur l'arbre. Moi, j'étais derrière. Donc c'était, c'est-à-dire que tu pouvais pas ne pas savoir ce qu'on faisait. Et donc le truc, c'est que normalement, personne n'a capté quoi. Normalement. Et, normalement, oui, c'est ça. Après, il y a peut-être des gens qui nous ont vus, qui ont fait genre, j'ai pas vu, ils ont continué leur chemin. Mais voilà, donc là, on s'est pas fait capter. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Non, c'était moi qui étais en train de la mettre dans son cul. Il y a une fois où je me suis fait choper par un cycliste, c'est très drôle. En fait, cycliste. Ouais, en fait, on était en train donc. Attends, merde, excuse-moi, oh là là, et l'autre il me dit rien là. Excusez-moi. Je vous en prie. Oh pardon. C'était donc en fait on s'était mis dans une espèce de champ avec la bagnole de la meuf et donc pour que les gens ne voient pas de la route, on baisait sur le capot. Et sauf qu'en fait le petit chemin, forcément il y avait un autre bout et là il y a un mec qui faisait du VTT qui arrive pendant que j'étais en train de la bourrer sur le capot quoi. Oh, tu sais que peut-être que c'était sur Google View là. Mais oui, c'est ça, Street View, ouais. Google Maps et tout le bordel là. Non, je pense pas, sur peut-être le truc par satellite. Mais oui, Google, c'est ça. Parce que Google View, enfin Street View, tu vois la voiture. Google passer. Earth, voilà. Ouais, Google Earth, ouais, Google ça c'est voilà, ça. Sur ouais. Google Earth peut-être. Si vous voyez Toff sur Google Earth en train de baiser quelqu'un envoyez sur un capot, envoyez les images surtout évidemment, je compte sur vous. On peut faire une petite l'arbre. Est-ce qu'on peut rappeler l'histoire de l'arbre? L'arbre. Mais il a dit ah, l'arbre. Oui. Ah, t'as dit? Oui, ah d'accord, pardon. Il a parlé, ah, non, il vient de le dire. Il y a le prince qui dit: j'ai le droit de dire que je préférais un autre canular. Le SM il y a déjà pas mal de temps était drôle. Oui c'est vrai, qui bah si t'as le droit bien sûr. Et Victor qui dit: meilleur canular de ma vie tout à l'heure là. Au fait, allez vous faire enculer. Ben merci Victor. Et sinon à Paris il y a un truc qui est super excitant à faire, c'est les entrées des immeubles. En fait, t'as des immeubles qui sont, où c'est la porte est renfoncée, donc t'as une espèce genre t'as un mètre, ouais. où t'es dans le noir puisqu'il y a pas de lumière. Et là, c'est super excitant parce que les gens peuvent pas te voir du fait qu'il y a le contre-jour. Mais du coup, toi, tu peux baiser tranquille, quoi. Bon, si vous avez des questions à poser à Toff, n'hésitez pas. Il a déjà essayé à gauche, à droite, devant, derrière, etc., etc. Sinon, je vais faire une Santin aussi. C'est vachement excitant. Ouais, la vie de Santin, ça peut être drôle. Et toi, tu vois pas les gens, mais les gens te voient. Ah, mais c'est plutôt dans l'autre sens. C'est rigolo. C'est non. Quand toi tu sais que personne te voit, mais comme tu vois quand même tout le monde, ça reste perturbant. Ouais, puisque tu dis, bon, est-ce qu'elle marche cette vitre de merde sans teint là? Est-ce qu'il y a vraiment pas de teint ou pas? Dans l'autre sens c'était super excitant parce que donc c'était un miroir pour nous, mais de l'autre côté les gens pouvaient nous voir. Ah ouais, non, moi c'est plutôt dans le sens inverse. Bon bah dites-nous les autres, rappelez-moi là, les filles, les garçons, 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Il y a Papa Ma aussi. Ah non, c'est Jean-Pascal pardon qui dit: trop fort Mickaël, j'adore les parents qui s'énervent. C'est JP le routier de la Réunion. Ah bah tranquille Jean-Pascal, à la Réunion routier l'avantage c'est que les routes sont pas très longues, hein, ça fait vite le tour quoi au final. Oui. C'est une île forcément donc c'est plus pratique. Bon, on va s'écouter, je vous l'ai promis, le son de Jason Derulo maintenant sur Fun Radio avec Marry Me. Il est 1h06 du mat, on est en direct, il y a pas de pub sur Fun Radio la nuit, ça c'est cool. Et puis c'est Mickaël No Limit, on est en direct grâce à vous et avec vous jusqu'à 2h. 105 is the number that comes to my head. I plan to do. J- Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio. Et puis bah n'appelez plus le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0, ça ne marche plus. Toff a mis son gros cul sur standard, il l'a pété. Mais non, mais il y a trop de monde, alors du coup maintenant les lignes ont pété, donc je sais pas ce qui se passe. Alors on peut appeler des gens mais on peut plus recevoir les appels. Oh, j'ai pété donc comme donc c'est un peu la merde, c'est vous un peu la... par l'application si vous voulez réagir, bah, ou participer, laissez vos numéros de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Voilà, ou vous envoyez un mail directement sur sandro@funradio.fr, sandro@funradio.fr. Et puis donc voilà, donc nous on peut vous rappeler mais vous pouvez pas nous appeler, ce qui est pas très pratique. Donc voilà, bah vous avez été trop nombreux à appeler, vous avez cassé le standard. Bravo. Bravo, félicitations. Eh ben bravo. Ah bah bien. Eh ben bravo. Eh ben voilà. Moi j'ai plus de travail. Eh ben très bien, bah ce genre elle va s'en plaindre. Ah mais ça sonne plus. Bah c'est très bien. On se dit aux yeux, on se dit peut-être il y a plus d'auditeurs en fait, hein. Et puis heureusement on a reçu des messages. Ouais, ça marche plus, décrochez. Bah oui, mais il y a personne, ça ne sonne pas. Donc bon, ça peut pas venir d'ici quoi. Enfin si, ça vient d'ici pour le coup. Donc bon ben bah, voilà, le standard est pété, trop de monde ce soir. Bah du coup, donc comme on disait, si vous voulez participer à l'émission, sandro@funradio.fr si vous voulez passer à l'antenne. Sur le Twitter également, vous pouvez envoyer vos messages, sur le Facebook et sur l'application également Mickaël No Limit, disponible gratuitement sur iTunes. Vous pouvez envoyer vos messages et par pitié laissez vos numéros pour qu'on vous rappelle. Il y a Mactar qui dit combien de litres de sperme ont-ils besoin, dites-moi, on s'en charge. Ah, bah écoute, beaucoup a priori hein, parce que c'est vraiment la pénurie hein. Oui, c'est en Belgique, il n'y a plus de sperme dans les banques de sperme, donc on appelle depuis tout à l'heure des gens au hasard pour essayer de voir si bah, ils peuvent aider quoi. Bah oui. Bah ouais, donc visiblement ça porte pas bien ses fruits. Il y a Devers45 qui dit sérieux, le canular c'était du très très lourd. Les frères, vous avez trop géré, vous avez vendu du rêve là tous les soirs, ça fait grave plaisir. Bah merci Devers. Je me suis chopé dans un hôpital en train de me faire sucer, c'est Xavier. Ah, sympa, mais par qui? L'infirmière? Est-ce que t'étais médecin? Moi j'aurais kiffé le faire dans un hôpital. Oui bah j'imagine. Avec une infirmière. Ah ça que... bientôt Dof. Bah oui, bientôt. Non mais parce que j'ai eu deux trois infirmières dans ma vie et elle m'expliquait qu'en fait. Mais c'est quand il était à l'hosto en fait. Hein, voilà, c'est ça. Et ça, ces infirmières qu'il y a eu dans sa vie, elles s'occupaient simplement de lui, ah, c'est tout. Bien sûr, parce que j'étais plusieurs fois très gravement malade. Non. Si, il avait son poumon qui avait ouais, été là. Oh, mais c'est rien, ça. C'est rien, mais tu rigoles ou quoi? On voit bien mais que c'est rien. C'est rien, son ça. Un poumon, t'en as deux, c'est bon. Ah bah, heureusement. Eh ben voilà. Un poumon crevé. Ça, j'avais un trou dans le poumon. Ouais. Et t'imagines une maladie qui arrive normalement qu'aux fumeurs et aux grands sportifs. Il est ni l'un ni l'autre. Et ben moi, tu sais, je m'étais. Allez, il y a un moment, je m'étais fait un début de cirrhose, alors que je bois pas d'alcool. Et le médecin me dit, mais vous buvez? Ouais, bah, faut arrêter de boire, monsieur. Je bois pas. Non, mais même un petit verre de vin à midi. Non, je bois pas du tout. Vous êtes sûr? Bah oui. Et il me dit, bah vous êtes en train de vous faire une cirrhose. Ah, sympa. C'est ouf, hein. Bah, moi aussi, quand j'avais les extinctions de voix, là, à répétition, c'était au mois de novembre, je crois, un truc comme ça, octobre-novembre, je vais voir l'ORL. Il regarde, il me dit, ah oui, oui, effectivement, là, c'est irrité, hein. Bon, écoutez, la première chose, va falloir arrêter de fumer directement. Ouais. Je dis, bah, j'ai jamais fumé une clope de ma vie. Ah bon, parce que vous avez une gorge de fumeur. Enculé, va. Putain, j'ai jamais fumé une clope de ma vie. Le mec, il me dit, j'ai une gorge de fumeur. C'est ouf. C'est vénère. J'ai même pas envie de le payer. Bon, finalement, j'ai plus de voix cassée, donc c'est qu'il a quand même bien fait son taf. Mais voilà, c'était quand même relou, quoi, la gorge de fumeur. Dis donc, Axel qui dit aussi, il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio, c'est sur Fun que ça se passe. Exactement, Axel. Faites passer le message. J'ai Manté Loudou qui dit, ce qui est top, c'est d'être agent de sécu dans un PC sécurité avec vitre teintée et de se taper sa collègue en voyant les gens. Eh ben voilà, ouais, c'est ça. C'est quand les gens ne voient pas, mais que toi tu les vois, parce que du coup, t'es toujours un peu, je vais pas dire stressé, mais tu te demandes un petit peu quand même, tu vois. Mais si. Aux États-Unis. Il y a ces espèces de toilettes, vous connaissez ces portes? Oui. Où t'es en train de chier, parce qu'il faut le dire. Et là tu vois les gens et tu dis merde, et tu remontes ton falzard. Et t'attends que les gens sortent. Mais tu sors, tu vois en fait la porte. Tu vois les gens mais ils te voient pas. Ouais, exactement. Ça fait peur. Ouais. C'est perturbant, c'est vrai. Et Let's Be Freaks qui dit, je vais te faire jouir comme jamais tu vas pouvoir apporter des litres et des litres de sperme, mon Tofinou. Très bien, on fera des réserves pour la Belgique. Voilà. Cédric, il dit, j'ai fait l'amour à une fille contre le mur d'une maison en plein festival du printemps de Bourges. Bah oui, on va lire, bah, je vais pas dire exclusivement des messages, mais pas loin, puisque je rappelle que le standard est mort. Donc on peut appeler des gens, mais vous ne pouvez plus nous appeler. Ça ne fonctionne plus. On est en train de voir pour réparer, mais là, c'est un peu compliqué. Donc si vous voulez passer l'antenne, vous envoyez un mail à sandro@funradio.fr et vous laissez votre numéro de téléphone et vous passerez avec plaisir, puisqu'on parlait avec Didier de l'amour en extérieur. D'ailleurs, notamment, il y a Christophe aussi qui dit « Moi, le top, c'était en forêt, grillé par l'équipe de foot qui faisait son footing. » Oh putain, la gêne, pour le coup, c'est vrai. Et puis, le prince, c'est-à-dire qui dit « Quand j'étais en train de la bourrer sur le capot de la voiture, la délicatesse faite par Toff. » Bah, toujours, hein, c'est toujours le top de la délicatesse. Hein, ça, je suis un mec très délicat, je tiens à le rappeler. Ouais, et j'avais reçu un mail tout à l'heure, je vous en ai parlé de Kevin, qui nous avait appelé, qui m'a dit ouais, j'ai envie de rigoler ce soir et tout, machin. Il voulait réécouter le moment de la pause à 4 tof. Alors, du coup, maintenant, bah, comme il n'y a plus de standard, on va se faire plaisir, hein, tant qu'à faire. Ah, bah oui. Ah, bah oui, je suis même pas à l'abri de peut-être vous diffuser le. De vous remettre le pardon, le. Heureusement que je disais que l'ORL avait réparé ma gorge. On le sent. Voilà, mais. Alors qu'il m'avait dit de ne jamais racler ma voix, que c'est très mauvais, mais. J'ai un truc qui reste coincé. Vous entendez que ça fait un petit peu. Oui. C'est bizarre. C'est du molar. C'est ouais peut-être. C'est un molar. Tu peux cracher dans la gueule à Dof. Hein. C'est ouais. Fait pour ça. Ah bah voilà. Certé. Ah bah ça va beaucoup mieux. Donc peut-être que je remettrai le canular de tout à l'heure avec de la semaine dernière avec la bombe. En attendant, eh bien pour ceux qui n'étaient pas là, la demande de Kevin qui avait entendu parler de Tof justement hein, qui avait expliqué son histoire quand il était au scout avec l'histoire du calbut et de maman. Alors donc pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait les scouts. Ah bah oui. Il faudrait bien savoir ce que tu vas dire. Ah oh bah et donc j'ai fait les scouts et je faisais mon premier camp scout. Ouais, t'as fait les scouts aussi toi ou pas Grâce? Ah non, pas du tout. Hein. D'accord, bon. Bon, et donc tous ceux qui ont fait les scouts et qui ont fait leur premier camp vont savoir de quoi je parle, c'est que bah il y a pas de toilettes. Ouais. Et donc t'as deux possibilités, soit tu chies dehors, soit tu chies dans les bois. Ouais. Soit tu chies dans l'espèce de chiotte qui a été creusée dans le sol oh et là qui là est plein de mouches et qui est dégueulasse. Quelle horreur. Soit tu chies dans ton pantalon. Oh là là, avec les exactement. Mouches. Exactement. Avec les mouches oh et merde, tout là. Pas que ça. Et donc finalement au bout d'un moment, bah, fallait que ça sorte et donc j'ai chié dans mon fut. Et donc comme je voulais. Attends, c'est pas fini, parce que ça c'est que le début de l'histoire. Donc je suis dans mon fut et comme je voulais pas le dire, machin, je voulais pas le montrer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon caleçon et je l'ai bazardé dans la forêt. Oh, ouais. Je me souviens, c'était la honte, moi-même j'avais honte, hein, c'est pour vous dire. Attends, maman. J'avais honte de mon fils. Et donc à la fin du camp, donc il y a le rassemblement. Attends une seconde, il y a pas de soleil là. Voilà. Non, j'en avais plein le cul là, cette mouche elle m'a saoulé. Là. Donc à la fin du camp, il y a le rassemblement où t'es que t'as tous les chefs qui remettent le celui qui a été le oh, meilleur. Oh putain, et nous voilà. Ah merde. Bon, vas-y, continue, tant pis. Donc celle qui a été celui qui a été le meilleur, celui qui a fait les meilleures constructions, machin, etc. Et tout à la fin, ils font tous le tour des objets trouvés. Ouais. Et donc. Et donc dans les objets trouvés, il y a un mec qui finit par sortir ce caleçon plein de merde. Bien sûr, la merde bien sèche puisque ça a traîné. C'est vrai. Donc le caleçon plein de merde qui a dû traîner, mais genre pendant une semaine dans les bois, tu vois. Oui, je me souviens. Et donc moi j'avais très bien reconnu le caleçon. Je fais semblant que je sais pas à qui il est, tu vois. Ah oh, c'est ouf. Je fais non je sais pas à qui il est. Et là ma mère qui est venue me chercher. Et là il y avait la petite étiquette que tu sais qu'avait sa mère avait cousu avec marqué Christophe. Et donc ouais mais j'avais chié dessus donc elle se voyait plus. Et donc là ma mère qu'est-ce qu'elle trouve, elle trouve rien de me la faire que dire. Oh mais c'est à mon fils. Voilà pour l'histoire Kevin, va t'écouter en même temps. Il y a Adeline qui dit pour une fois je vais aller bosser avec Gaieté grâce à vous et avec vos conneries, mais dommage que ce ne soit que 3 heures par jour, c'est trop court, merci à vous la bande. Bah, merci Adeline en tout cas d'écouter, c'est très gentil. Et Axel qui dit une branlette et une pipe dans une salle de cinéma avec plein de monde autour. Ah ouais c'est sympa ça. Bon, en même temps c'est la meuf qui fait tout, hein. C'est-à-dire que toi tu kiffes mais la meuf au final elle a rien en échange quoi. Bon après il y en a qui aiment bien aussi mais bon. Bon on a toujours Didier là qui nous avait expliqué qu'il avait fait l'amour en extérieur. Et bon je rappelle que le standard marche plus, on n'arrive plus à recevoir d'appels, vous avez été trop nombreux à appeler. Donc du coup bah ça ne marche plus. Donc technicien qui est en train de regarder si on peut encore réparer ça ce soir. Il reconnecte le fil. Ouais, en attendant, et ben vous pouvez toujours envoyer des mails si vous voulez passer à l'antenne à Sandro sandro@funradio.fr. D'ailleurs on a Laurent 25 ans de Bruxelles. Salut Laurent. Salut l'équipe. Comment vas-tu? Ça va. Bon, tant mieux. Allez, bienvenue à toi. Et donc, bah alors Bruxelles évidemment. Et donc, il y a plus de sperme en Belgique, Laurent. Là, comment t'expliques ça? Aucune idée. Il y a 39 ans de monde. Bah oui, peut-être. Les banques de sperme sont vides, à sec. Bah, qu'est-ce que tu veux, de tous les mecs qui sont pris, hein, ils ont pas besoin d'aller donner leur sperme. Bah ouais, mais là, la banque est fermée, la banque fait faillite, la banqueroute. Donc on essaie d'appeler encore, on essaiera encore d'appeler dans 10 minutes encore d'autres endroits là pour essayer de trouver du sperme. Mais bon bah. Mais c'est payant. Venez nous aider. Ah, tu peux aider, hein, Laurent, avec plaisir. Hein, ça, c'est. Comment ça marche? C'est payant ou pas là, du coup, le sperme? Non, il y a que dans les pays scandinaves et aux États-Unis que tu peux te faire payer. Ah, c'est moi, pour ça que tout le monde s'en fout. Ouais, bah oui. Bah oui, voilà, si c'était payant, t'inquiète pas, tu auras plus de monde. Moi, je lâche un litre, mais c'est au moins 100 euros, quoi. Le mais oui. Ouais, parce qu'en plus, je crois que en France, en Belgique et en Espagne et tout, c'est anonyme, donc c'est-à-dire que tu peux pas savoir qui c'est. Ah, d'accord, ok. Et si je le mets sur ta gueule, Tof, et ensuite on l'envoie, ça marche toujours ou pas? Ah non. Bah, ça marche toujours, mais c'est toujours gratuit. D'accord. Ah, bah voilà. Bon, alors, Laurent, toi, tu l'as déjà fait où en extérieur? Moi, c'était sur le quai de la gare. Sur le quai de la gare. Alors, c'est tombé, on a un agent SNCF avec nous, hein. Qui va nous raconter où il l'a déjà fait dans la gare. Voilà, dans le train, la gare, partout quoi. Ouais, non, en extérieur quand même. Attends, il va réfléchir à quelle histoire il peut raconter. Avec une petite contrôleuse, non? En attendant, non, pas. En attendant, Laurent, continue, vas-y, c'était quoi sur le quai de la gare? Ouais, donc, moi c'était sur le quai de la gare, mais en fait, j'ai la petite anecdote, c'est que j'étais donc avec ma copine, mais de l'autre côté du quai, en fait, il y avait mon meilleur pote avec sa copine qui faisait la même chose, en fait. Oh, c'est bon ça. Mais c'était prévu ou pas? Non, c'était pas prévu. On c'est marrant ça. Ça je sais pas, je pourrais plus te dire comment c'est parti, mais. Mais de fil en aiguille, tu l'as enfilé. Voilà, oh, c'est joli ça. Chacun sur notre quai, occupé avec les dames quoi. Ça alors, mais attends, au même moment, deux potes qui sont en train de baiser une meuf sur le quai de la gare, c'est quand même exceptionnel. Bah il s'habille, bah, c'est écoute, tout. Ouais, c'est ça, mais c'est venu comme ça. C'est ouf. Tu lui faisais quoi? Tu la bourrais comment? Oula, je pourrais plus te dire dans tous les sens. Ah, tu te souviens pas de ça, tu la prenais quand? Levrette? Ah, j'ai commencé la levrette parce que sur le contre le mur, c'est toujours ce qu'il y a de plus facile. Mais quand t'étais contre le mur, est-ce que tu lui rayais la face un peu sur le mur? Oh là là, tu es con. Tu lui tires les cheveux et tu lui appuies la tête sur le mur en frottant. Mais oui. Est-ce que notre agent SNCF, il va réfléchir? T'as déjà des idées? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as déjà grillé les gens en train de niquer en train ou pas? Le soir, tard. Ouais, à Apollo là. Ouais, vers minuit je faisais un tour de train en fait et j'ai chopé un couple quoi. Et t'as dit quelque chose ou tu les as laissé finir? Non, il a pris son portable, il a filmé. Non, je suis rentré, je leur ai dit voilà, le train il va partir au dépôt, faut descendre quoi. Pourquoi t'as pas appelé les mecs de la... Tu sais les... Comment ils appellent ça? Tu sais les mecs avec... La SUGE là, pour qu'ils les fracassent. Et ils m'ont dit ouais on peut il pas les gorge, il les gorge. Et eux ils m'ont carrément dit ouais on peut pas terminer. Je leur ai dit non. Oh quel enculé, t'es pas cool. Attends, les trains sont en retard toute la journée, mais pour rentrer au dépôt ils doivent être à l'heure. Voilà, tu peux laisser finir son éjac quoi. C'est ça quoi, l'autre il termine quand même minimum. T'aurais pu dire d'accord mais je mets un coup aussi. Mais oui. Bon et Laurent, toi tu t'es pas fait griller toi? Non, c'est pas fait griller, enfin j'en sais rien, en tout cas personne n'est venu nous... Ouais, mais c'est ça, donc tu t'es pas fait griller ouvertement, quoi, très bien. Mais non. Merci Laurent d'être passé en tout cas. Mais de rien, ça fait plaisir. Eh ben, avec plaisir aussi, tu reviens quand tu veux l'eau. Mais au nombre de fois où j'ai baisé dans des parkings, moi il doit y avoir plein d'agents de sécu qui ont les vidéos. Ah oui, ça c'est possible aussi, mais va t'en les retrouver, tiens. Salut Laurent, à bientôt. A bientôt, ciao. Ciao, il y aura Mike, il y aura Mickaël, Gaël, Greg et Xavier dans quelques minutes. Didier, bah, tant que t'es là, reste avec nous. On va également se faire quelques appels encore avec Tof. Et puis, il y aura aussi Polo contre le reste du monde tout à l'heure. Ah oui, si vous voulez participer à cette magnifique nouvelle émission qui dure 5 minutes en fin d'émission, hein, en fin de Mickaël No Limit, vous avez Polo contre le reste du monde. Eh bien, j'allais dire, appelez-nous, mais ça ne marche plus. Donc, Sandro, sandro@funradio.fr, si vous voulez passer à l'antenne ce soir. Il y a le Facebook qui marche également, facebook.com/mikl officiel. On écoute Showtek maintenant sur Fun Radio, c'est Booyah. Yes, all we care about is I'm party, keeping them good vibes in the air. Le son de Showtek sur Fun Radio, c'était Booyah. Il y aura Lady Gaga à suivre aussi avec Do What You Want. Et il y a Jason aussi qui dit pas cool le contrôleur, moi il me laissait finir, c'était cool. Ah oui, c'est ça, vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a Let's Be Flux qui dit dans les parkings et dire qu'on devait le faire dans le parking de votre ancienne radio avec Tof. Quoi? Ah bon? Aha. Bah bon, on en apprend des nouvelles. Lady Sakini, bande de ouf. Je suis sûr que c'est encore vous qui avez proposé, vous vous souvenez même pas. Bah oui, c'est ça. Il y a Walt qui dit aussi, salut moi aussi, j'ai passé une journée de merde. C'était le jour où je passais mon bac et je me suis chié dessus. Il était 9h, je suis resté 3h dans ma merde. C'est bon ça. Et Axel qui dit, demain je vais tenter le local poubelle de mon immeuble. Grande classe. Et alors, moi j'ai un pote, il a fait ça dans le local, on était en coloc. Et donc c'était une des premières fois qu'il baisait sa nouvelle meuf. Et où est-ce qu'il l'a déglingué? Dans le local à poubelle de l'immeuble. Quelle horreur. Ils sont encore ensemble. Oh là là. Ouais, ils sont presque mariés maintenant. Mais... Et à toi Aria aussi qui dit, ça sent la merde, t'as fait dans ton calbut, teuf. Teuf. T-E-U-F. Teuf. Voilà. Teuf. Bien sûr qu'il a fait. Bien sûr. Teuf. Bon, il y a Mike qui est avec nous maintenant, là, de Liège. Salut, Mike. Salut à vous. Comment ça va? Salut. Ça va bien et vous? Très très bien, Mike. Bon alors, toi, t'as déjà fait, t'as déjà niqué dehors, toi, comme Didier qui nous appelait de Paris là? Ouais, ouais, ouais, une fois, ouais. Quand alors, jeune. Où ça, où ça, où ça? Bah, c'était dans un coin du quartier, en fait, à corde de maison et qu'il y a un champ derrière. Et on s'est posé là sur un scooter, en fait, avec une meuf. Et sur puis, un scooter. Ouais, d'abord j'étais. J'étais assis sur le guidon et elle assise sur la chaise et puis voilà quoi, elle était en train de me sucer quoi, pour le dire comme ça. Et puis j'ai vu mes potes qui ont fait le tour de la maison comme ça, ils ont été dans le champ et ils commençaient à nous regarder, c'était deux. Et puis quand on était en train de faire le truc sur le scooter, ben, mes potes ils ont vu, elle l'a vu. Et elle voulait que je continue quand même et tout, c'était trop bien. Ah ouais, donc en fait t'as fait un théâtre de cul quoi, c'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui étaient là, ils étaient en train de regarder, ça, et toi ouais. Tu continuais. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ah ouais, surtout, original. Elle voulait que je continue, quoi. Après, elle a vu et elle voulait que je continue quand même. Elle m'a pas demandé d'arrêter ni rien, donc. D'accord, ok. Ah ouais, c'est original, mais c'est bien. Bon, après, c'est, j'allais dire, c'est en plein milieu d'un champ, donc il y avait personne, mais s'il y avait tous tes potes autour, finalement, ça peut compter. Bon, reste avec nous, Mike. Il y a Gaël également qui est avec nous de Saint-Quentin, là. Salut, Gaël. Oui, bonsoir, toute l'équipe. Salut, Gaël. Salut, Saint-Quentin, donc en Picardie, attention, on y sera. J'espère que tu vas venir nous voir, Gaël. Oui, oui. Ah, le 7, on sera au El Patio à Compiègne. Voilà, c'est ça. Et alors, le 9, on fait l'émission en direct de chez Olivier, un auditeur, un prof de maths. Le micro qui est en train de partir en morceaux, là, ah, c'est parfait. Très bien. Donc, je disais que le 9, le dimanche, on sera donc chez un auditeur à Noyon pour faire l'émission en direct de chez lui. Et bon, c'est vrai que c'est chez lui et que c'est pas chez nous, mais bon, moi, nous, on invite tout le monde, hein. Ah ouais, bah oui, nous, ah ouais, bien sûr, on va faire une petite fête. Bah surtout, il y a pas de problème. Par contre, donc pas de maroilles, interdit le maroilles. Ah non, pas de morale, pas de maroilles. Oh, c'est super bon le maroilles. Non. Bon, Gaël. Oui. Alors, est-ce que tu as déjà fait l'amour dehors, toi? Oui. En fait, j'étais dans une soirée chez Sandro. Et hein? Chez qui? Chez Sandro, un pote. Oh, on s'est tous regardés là. Ouais, on s'est en train de tout, on a tous baisé chez Sandro. J'ai dit, ça y est, c'est mon heure là, les temps sont sortis. Oui, là, Sandro, j'ai toussé la chatte et puis. C'était l'époque où elle organisait des partouches chez elle. Oh, oh putain. Elle s'appelait Madame Sandro. Oh. Bon, donc chez un pote, ok, ouais. Chez un pote, et en pleine soirée, j'ai chopé mon copain, j'avais une envie pressante. Pas de pisser ou une envie pressante de faire l'amour. Ah d'accord, ok. Sache que si tu as toujours une envie pressante quand tu passeras nous voir le 7 février, Toff est disponible. Ah toujours, moi je suis toujours disponible. D'ailleurs Gaël, combien si tu es laide, c'est pour Toff. Si tu es mignonne, c'est pour moi. Alors combien mesures-tu Gaël? 1m60. Combien pèses-tu? 60. Quel est ton tour de poitrine? Comment tu peux hésiter à mettre 60, 40? Non, 60. Mon de poitrine, 90D. Et la taille de les pantalons que t'as acheté? 38. Ah oui, passe, ah ouais. Passe nous voir, passe nous voir. Bonne. Voilà, donc tu es la bienvenue, Gaël. Hein. Oui. Oui, bah bien sûr, évidemment, avec plaisir. Bon, et donc du coup, t'as eu une envie pressante de faire l'amour, j'ai donc j'ai escaladé les buissons, enfin, j'ai grave au-dessus des buissons chez le voisin à Sandro, en fait. Oui, et donc Sandro, ton pote, hein, et pas Sandro qui est au standard. Ça nous perturbe à chaque fois que tu dis ça. Grave. Et donc, il faisait très très froid d'ailleurs. Et les lumières, vous êtes réchauffé, hein. Les spots dans la cour se sont mis à s'allumer. Ah, pas de chance. Ah merde, ah bah oui, avec des détecteurs. Oui. Dommage. Bah, au moins, il savait où était le trou, quoi. Donc tellement il faisait froid, bah, je me suis rhabillée. Ouais. Bah, c'est fini comme ça. Oh, c'est dommage. Oh, c'est nul. Ah, oh, y a pas une cartouche. Non, pas une. Même pas une petite faciale à la fin. Bah qu'est-ce que tu racontes, Toff? Quel est le rapport? Bah, elle sait le sortir. Le mec, il l'a en main. Mais non. Et t'es encore avec lui, Gaël, aujourd'hui? Oui. Oh bah alors, bah t'en fais déçu parce que du coup ne viens pas hein, quand on. Bah bien sûr, mais si elle peut venir. Y a pas de souci, on s'arrange avec son mec. Mais depuis vous avez pas recommencé? Non, bah non. Bah c'est con, pourquoi? Bah c'est pas chez moi et puis j'ai pas osé, c'est l'accord des voisins. Ah bah oui, mais bon, hey, Gaël, si tu veux, nous après, si ton kiff. par exemple, t'as envie de faire ça dans un studio de radio, nous on peut s'arranger. Hein, ouais, ouais, on peut te le laisser quoi. On te le laisse avec ton copain, il y a pas de problème, on mettra une vitre sans teint. Non, je suis obligé de surveiller parce que. Ah, et pas qu'on vole rien, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc voilà, tu veux, il y a pas de problème. Hein, avec plaisir. Moi, j'ai ma tante qui tient un studio. Tu veux un coup de main? Ah non, mais attention, dis à ton mec, moi je vous prêtais le studio pour vous deux. Hein. Bah oui. Il n'y a pas de problème, ma tante, elle a un club l'hiver, je. Parfait. Ah oui, mais bon. Ben, on savait pas quoi faire après le El Patio avec Polo. Ah, on va bourrer de la vieille là-bas. Quelle horreur. Bon, la attends. Couillard, de la défraîchie, de la crépite, de la. Ça va, merci. De la salle. Attendez, oui, c'est bon, l'autre, il s'emballe. Il y a Grégory qui est avec nous également maintenant de Robertville. Salut, Greg. Allô. Allô. Allô. Comment ça va? Ça va. Ben ça va, hein, et vous? Bah écoute, nous on va plutôt bien là, comme t'as pu remarquer, ah là, ouais, tranquillement, tranquillement. Je rigole, je rigole. Quoi, mais oui, quoi. Et il y aura Polo contre le reste du monde tout à l'heure vers 1h55. Bon, Greg. Ouais, c'est moi. Alors, oui, je me doute. Tu as fait ça où toi déjà dehors? Moi, à l'hôpital la dernière fois. À l'hôpital? Ah ouais, à l'hôpital, 2 mois, revalidation suite à un accident. Ouais. Et ben, je me suis tapé la serveuse de la cassette là. Bien vu. Ouais, ben ouais, y avait, les infirmières n'étaient pas trop chaudes, quoi. Alors, enfin, je me suis rabattu sur la serveuse, quoi, en fait. Et ben, j'allais en train de me sucer, l'infirmière rôde, quoi. Oh, excusez-moi. Et elle est ressortie, quoi. Ah, oh, putain. Là, parce que toi, à la limite, ah, tu t'en fous. Toi, tu t'es barré de l'hôpital, mais l'autre, elle travaille encore. Ah ouais, elle y travaille encore, quoi. Donc, ben, on est sortis 8 mois ensemble, quoi. Ça vient d'être fini, il n'y a pas tellement longtemps, là. Oh, continue, donc, vous avez quand même eu un petit peu une petite histoire, quoi. Ah, on a eu une petite histoire, là, tranquille, quoi. D'accord. Je suis venu à l'hôpital, quoi. Ben, c'était marrant, quoi. Pendant, je suis resté là 2 mois, et pendant 1 mois, ben, on a bien rigolé, quoi. Tout ça, payé par la sécu. En vous remerciant. Mais oui, c'est ça, enculé. Bah. Bon, attends, reste là 2 secondes. Il y a également. Bah, t'as raison, Greg. Attends, il y a aussi Xavier qui est avec nous là de Soissons. Salut, Xav. Salut. Ça va bien? Ça va, toi? Très bien, Xavier. Ah, et en Picardie aussi, Soissons. Hein. N'oublie pas, hein, le 7 février, on sera donc au El Patio. Tu connais le El Patio à Compiègne ou pas? Ouais, je connais, je vais. Bon, bah, tu viens le 7 là? Bah évidemment, elle était invitée, Xavier là. Top va s'arranger, il s'arrangerait avec la porte, avec le bien leader. Sûr, je viendrai à la porte, vous direz que vous venez de notre part. Voilà, exactement. Vous n'allez pas rentrer. Voilà, donc voilà. Le 7 février, on sera au El Patio à Compiègne avec Jean-Pierre Sauzère. Et ça, c'est la grosse nouvelle, la grande star pour la chanson. Et Top déguisé en lapin. Et oui, bien je entendu. Trop beau. Tout à fait. Bon, et on fera l'émission en direct de Picardie également. On fera l'émission en direct de Noyon chez un prof de maths. Hein, donc le 9 février avec les élèves du prof de maths, ils viendront. Et puis vous aussi, on essaiera de. On vous tiendra au courant de toute façon, vous inquiétez pas. Bon, Xavier, alors, t'as fait ça où toi, dehors? J'ai pas mal d'endroits. Non, j'ai rien compris, Xavier. Je sais pas ce que tu fais avec ton téléphone, mais il faut le sortir de ta bouche. D'accord, je disais que j'avais pas mal. Non, ah, comprends rien. Cul, il a... Peut-être enlever le kit main libre, alors éventuellement, ou le haut-parleur? Oui. Ah, parfait, bah voilà, bah, là on t'entend super bien. C'est impeccable. Là, c'est vrai. Hein, on entend mieux, là, Mike et Gaël, là. Hein. Oui. Ouais, ouais. Là, regardez, hop, c'est clair et tout. Ah oui, non, là, c'est parfait, là. Impeccable. Bon, du coup, on va prendre Mickaël en attendant, là. 30 ans de tournée. Salut, Mickaël. Ouais, bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Bon, bah, tu l'as fait où, toi? Bah, moi, c'est une petite histoire délicate, en fait. J'étais, délicate, vas-y. Ouais, c'était assez délicat, mais pour moi, surtout. J'étais en voiture avec ma femme, quoi, et bon, bah, voilà, quoi, on a une petite envie, quoi. Mais bon, canicule dehors, quoi, 40 degrés dans la voiture, bah, c'est pas la peine, quoi, ça nous intéressait pas trop, quoi. Ouais, alors, quoi, on ouais. On s'est arrêté, bah, dans une petite forêt. Ouais. Où là, bah, je prépare le petit essuie à terre pour elle, quoi, tranquille, quoi, pour pas taper les saloperies, quoi, dans le derrière, quoi. Et moi, après, bah, voilà, pas de préliminaire, parce que fallait que ça existe, quoi. Bah, évidemment. Et d'un coup, je mets mes deux genoux. Dans un lit fourmi rouge. Non. Oh l'enculé. Oh là là. Alors là, mais ma femme, rien du tout. Je dis rien sur le moment, quoi. Ça piquait pas encore. Et tout d'un coup, je me lève, mais tu sais, elle me regarde, elle me dit qu'est-ce que tu fais? Parce que je sautille avec ma tu vois, ce qu'il y avait, enfin, avec ma queue entre les jambes, quoi. Mais c'était quoi? Je sautille, elle me dit putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça m'a refroidi, hein. Je débandais, hein, franchement, débandais à crever, quoi. Et je sautille comme ça sur place. Mais elle me dit mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et j'avais plein de fourmis rouges sur mes genoux, quoi, sur mes jambes, quoi, terrible, quelque chose qui m'a assassiné la queue, quoi. Et j'ai dit bah c'est bon, quoi, j'ai arrêté et voilà, quoi. Ça c'est franchement c'était terrible, quoi. Ah ouais. Pendant 2 jours, franchement, je suis resté avec les jambes, franchement mes jambes elles étaient renflées, quoi. Et franchement, encore heureux, c'est pas remonté plus haut, quoi. Parce que franchement, je ne voulais pas imaginer comment elle aurait pu être, quoi. Ah ouais, non. Et bah, évidemment, quoi. Ah ouais. Et quoi, une autre histoire encore ou pas? T'es arrivé à un autre truc? Non, non, bah, si, si, un truc basique, je suis sûr. Hein, je suis sûr qu'il t'est arrivé un autre truc, non? Bah non, non, bah non, à part que de temps en temps, ma femme, bah, elle conduit pas encore, mais elle prend le levier à vitesse, enfin ma queue pour le levier à vitesse, quoi, c'est tout, quoi. Mais c'est tout, quoi, et ça, c'est encore autre chose, quoi. Mais non, sinon, bah, on est assez, à part cette fois-ci, quoi, on est assez pudique, quoi, on fait ça tranquillement chez nous, et maintenant, on a trois enfants aussi, quoi, alors on y va mollo, quoi. D'accord, putain, la machine va passer vite. Tu fais quoi comme métier? Ah, moi, je travaille en usine, quoi. Ah oui, d'accord, l'usine. Tu fais quoi en usine? Alors, si vous voulez. Tu fais quoi en usine? J'en dis pas plus, quoi, parce que sinon... Bah, ah, on va te reconnaître, quoi. Ah, je travaille dans le chocolat. Ah! En même temps, c'est facile de te reconnaître, hein. Bah, du coup, ouais, effectivement, ouais. Et t'es avec ta meuf depuis combien de temps? Oh, putain, ça fait 10 ans. Ah oui, quand même? Ouais, ouais, ça fait 10 ans, on a 3 enfants. Et bah, tu l'as rencontré où? Où je l'ai rencontré? Bah, quelque part. Non, ah oui, t'as remarqué, depuis que tu parles de sa famille, tu dis quoi? Elle était à 100 mètres de chez moi, dans le même village, quoi. Ah si. Voilà. Si quand même, d'accord, ok. Bon bah très bien. Et, bon bah, il faut lui dire, Mike. Bah de quoi? C'est grave là, hein. C'est, ouais, à ce niveau là c'est grave, il faut lui dire. Ouais, en revanche Mika. Ouais, vas-y. Ouais. Tu sais que t'as dit, on les a pas comptés malheureusement, mais je pense que t'as dit au moins une trentaine de quoi? Oula, dans ta minimum, phrase. Beaucoup plus. Alors peut-être que dans ton village c'est comme ça que vous ponctuez les phrases. De quoi? Bah quoi? T'as pas remarqué que 10 fois par phrase, tu disais quoi? Ah ouais, alors t'as vu, j'étais là, quoi, et puis la meuf est arrivée, quoi, ouais, j'avais les genoux dans les fourmis, c'est quoi. Possible. Ouais, c'est possible. Ah, bon, c'est pas possible, là, c'est sûr. Hein. Ah bah c'est sûr, quoi, mais bah, bon, ah ouais. je le dirai plus. Promis. T'es sûr, voilà, merci de me l'avoir fait remarquer. Hein. Bah écoute, avec plaisir, nous on est là pour rendre service. Cela dit, l'histoire des fourmis, pas mal. Ah ouais, franchement, je le souhaite à personne, quoi, je le souhaite à personne. Hop là. Tu l'as encore dit. Perdu. Ah, peut-être à toi, parce que comme je suis qui est un peu sado, quoi. Ouais, j'ai déjà fait les guêpes, donc ça va. Ah, il a fait les guêpes. Okay, oui, j'ai fait les guêpes. Ah bah. C'est quoi? Non, même les guêpes, moi j'en veux pas, quoi. C'est une connerie, musique. Et quoi? Ah, musique, bien sûr, évidemment. Et donc j'étais dans ce magnifique camp scout, vous savez, quoi? ce camp scout du caleçon, quoi. Ouais. Et Attends. Cette histoire a été payée par passagedesirs.fr. Merci. Et donc on fait t'as un jeu de piste à faire, quoi, pendant que tu fais le camp, quoi. Et donc on était dans le jeu de piste, quoi, et à ce moment-là on a perdu la piste, quoi, et donc au milieu tu fais que les fins, mais au milieu. Ah oui, mais c'est dur au milieu. Allez. Donc on suivait la piste, quoi, et au moment où on perd la piste, quoi, donc on sait plus où est le chemin, donc qu'est-ce que je fais? Bah, je coupe dans un bout de forêt pour essayer de rattraper la dernière fois qu'on a vu la piste, quoi. Et là, je marche dans un truc et je me suis pas rendu compte, en fait, que c'est des guêpes, quoi. Et donc je marche, et là à un moment il y a un pote qui me dit: ouais, t'as un truc bizarre sur ton pied. Et en fait j'avais tout le nid qui était sur le pied. Non. Et à ce moment là bah, qu'est-ce que je fais? Bah j'essaye de donner des coups de pied, quoi, pour faire partir le nid. Et bien évidemment c'est pire. Et donc là elle commence tout à me courser, donc moi je courais dans les bois avec les guêpes derrière moi. Putain, qu'est-ce qu'il est con. Il arrive toujours des trucs de con à lui. Et le mec chute dans les guêpes. Le mec, c'est Bénil. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, le seul truc qui m'a sauvé, c'est qu'en fait, j'étais en jeans long, donc, parce que voilà, c'est le truc des scouts, et j'avais la chemise des scouts, qui était une espèce aussi de grosse toile, quoi. Et ça m'a sauvé, parce que les dards, en fait, étaient dans la chemise et dans le jeans, mais ils passaient pas jusqu'à la peau. Putain, il a encore eu de la chance, lui. Il a encore eu de la chance. Mais il y en avait beaucoup. Ah bah ouais, je sais pas, j'en ai enlevé pendant tout le reste du camp, j'enlevais les dards que je trouvais dans ma chemise. Ah bah oui, mais attends, dans Tani, il y en a des milliers. Enfin, au moins des centaines. Je vais pas dire des milliers, mais encore des centaines. T'as eu de la chance. Bon, bah merci, Mickaël, d'être passé, hein. Ouais, merci, quoi. Il y aurait moyen de. Merci. De repasser Sandro, s'il te plaît. Oui, bien sûr, Mickaël, sans merci problème. Merci beaucoup, et en tout cas, un gros big up à toute l'équipe. Bah, merci et beaucoup. Continuez comme ça, parce que franchement, vous nous faites rire, et c'est génial, quoi. C'est gentil, Mika, à bientôt, quoi. Ciao à toi. Merci, bye bye. Ciao. Mike, merci à toi d'être passé également, tu reviens quand tu veux. Ouais, bah merci à vous, y'a pas de soucis. Hein. Avec plaisir. Et merci à Didier également d'être passé. Salut, Gaël aussi, gros bisous. Oui, je te passe une dédicace. Vas-y, vas-y, Gaëlle, une seule personne, choisis la bonne. Je fais une dédicace à Sandro. Ah bah d'accord, ok. Bah le pote donc en l'occurrence, pas de problème. Salut Gaëlle. Salut. Ciao, bye bye. Tu voulais ajouter un truc, Didier? Ouais, je suis là. Oui, oui, je sais. Tu voulais ajouter encore un truc? Bah justement, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah bah tu peux nous raconter ça dans un instant, Didier. Reste avec nous, Grégory et Xavier également. Et nous devrions avoir avant la fin de l'émission Jean-Pierre Sauzère. Juste après le son de Lady Gaga maintenant sur Fun Radio. C'est Do What You Want, c'est Mickaël No Limit. Il est 1h43, on est en direct toute la nuit sur Fun. Jusqu'à 2h en l'occurrence. Il n'y a pas de pub, il y a enfin un truc à écouter à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Prévenez vos potes, prévenez vos amis, prévenez la famille, prévenez tout le monde sur Facebook, Twitter, Instagram, partout, je compte sur vous. Lady Gaga sur Fun Radio, Do What You Want. Il y a Polo contre les restes du monde dans quelques minutes. Si vous voulez parler de tout et n'importe quoi avec... C'est libre ce soir. Ouais, c'est libre le jeudi. On fait relâche. Voilà, c'est ça. Et bah donc vous nous appelez pas parce que le standard est mort, hein, depuis 20 minutes là, on n'arrive plus à... Bah vous pouvez plus nous appeler, vous étiez trop nombreux à appeler, du coup ça marche plus. Donc bah si vous voulez nous contacter, si vous voulez passer à l'antenne, parce que nous on peut vous appeler en revanche, eh bien vous faites un mail sandro@funradio.fr si vous voulez participer notamment à Polo contre le reste du monde. Magda également qui dit mort de rire la petite clochette de tout à l'heure là. Le pire c'est qu'elle s'en rendait même pas compte avec les quoi. Et Let's Be Free qui dit à tous les auditeurs faut aller on boite avec la team, c'est trop génial en mode VIP et tout. Ah bah oui, on sera hein, le 7 février au El Patio, donc c'est à Compiègne en Picardie. On vous attendra nombreux et nombreuses bien entendu. Et il y a India qui dit ah on a tous baisé chez Sandro déjà. Il y a Walls qui dit par contre ma première fois je l'ai fait, c'était dans une chapelle, la honte. Et oh, alors Abdou qui dit très très bon le canular que vous avez fait tout à l'heure. Et Mademoiselle Caramelia qui dit chapeau pour le canular, vous auriez dû vous reconvertir en comédien. Bah rien, c'est pas trop tard hein. Comme il faut remplacer Julie Lescaut là, s'il veut faire autre chose, nous on est prêts hein, surtout à 150 000 € l'épisode. Ah bah c'est ça. Je peux en faire quelques-uns d'avance hein, si vous voulez, il n'y a pas de... Je propose qu'on fasse Capitaine Polo. Oui, exactement. Commissaire Polo. C'est une idée. Bon, retour avec Greg et Xavier là, qui n'ont pas encore fait leur... Bah il fallait les prendre encore, Xavier et Greg, ils n'avaient pas encore fini là. Greg ? Ouais. Oui. Voilà maintenant, ouais. Parce qu'on l'a eu tout à l'heure là, ça a coupé là, Greg. Hein. Bon. Ah non, moi j'ai pas coupé. Ça fait une demi-heure que je suis au téléphone. Là. Bah ça a même. C'est ça avec même... Xavier que ça avait coupé. Ah c'est Xavier, oui Greg. Excuse-moi, t'en bouge pas alors, Xavier. Oui. Ah oui, c'est avec Xavier que ça avait coupé, effectivement. Oui, ça avait coupé. Bon bah très bien. Alors Xavier, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. T'as déjà fait l'amour ou ça toi? Alors, moi c'est déjà qu'il y a plusieurs endroits. Non mec, je comprends toujours rien à ce que tu me racontes, Xavier. D'accord, tu m'entends pas là? Bah je t'entends mais ça marche pas super bien quoi, c'est difficile à comprendre ce que tu dis. D'accord, bah j'ai essayé de parler plus fort alors. Là ça a l'air d'aller là, vas-y continue comme ça. Ok, donc moi je disais qu'il y avait plusieurs endroits. Ouais. Une cathédrale, une église, un cimetière. Cimetière c'est dégueulasse. Mais pourquoi un cimetière? Bah c'est l'endroit qui se présentait. Oui, bah oui, bah bien sûr, mais ça reste quand même glauque quoi, tu vois, avec les morts et tout. Entre deux tombes. Ouais, non, mais ils sont 6 pieds sous terre, c'est pas grave. Oui, bah ils sont 6 pieds sous terre, oui, d'accord, ok, non, c'est sûr, mais... Ouais, mais reste non, au moins, c'est le seul endroit où les voisins vont pas te faire chier, hein. Ouais, il y aura pas de bruit, etc. Ils vont pas t'emmerder à appeler les flics pour ta page, quoi, ça c'est clair. Tu peux faire des vitamines. Voilà, c'est clair, c'est clair. Bon, et hormis ça, t'as fait quoi d'autre? Dans une forêt. Les mains attachées, les yeux bandés. Oh, c'est glauque, t'imagines, la meuf, elle te laisse là. Imagine, elle se rend compte que tu l'as trompé ou tu lui as fait une crasse. Elle te chauffe en disant, viens, dans la forêt, machin. Etc. Elle t'attache puis elle se barre. Moi, je le ferais, c'est drôle. Ah oui, non. Comme vengeance, non. C'est au top. C'est horrible. Bah ouais, mais c'est drôle, comme vengeance, c'est magnifique. Ah bah là-bas, c'était une idée de deux, donc il n'y avait pas de vengeance à prendre. Oui, non, mais bien sûr, mais je donne une idée comme ça pour les meufs de Toff éventuellement, là. Ouais, si elles avaient envie. S'il y en a une qui veut se venger, en plus, il est tellement con, il serait capable d'accepter directement d'aller faire l'amour dans un bois. Hein. Ah oui. Maman est dans les bois tout le temps, moi j'adore les bois. Bah voilà, c'est ça, en plus, c'est attaché à l'arbre et tout, c'est parfait. Et quel endroit d'autre, Xav? Dans un cinéma, mais bon, c'était... Ouais, ça c'est plus basique déjà. Ouais, voilà, c'était basique. C'est déjà plus basique. Eh bien, c'est pas mal. Attends, Xavier, bouge pas de là. Il y a Didier également qu'on va prendre, mais d'abord, on fait les derniers appels maintenant. Allons-y. Derniers appels pour trouver du sperme, puisqu'il n'y en a plus dans les banques de sperme en Belgique. Donc, on essaye depuis tout à l'heure de trouver tout simplement du sperme, des donneurs. Ben oui, pour voilà. pouvoir aider à reprendre la production en Belgique. Exactement, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On continue, c'est parti. Enfin, on continue, oui, on continue, on rappelle des autres numéros maintenant. Et on récupérera Didier et Jean-Pierre Sauzère juste après. Oui. Oui, bonsoir monsieur. C'est qui à l'appareil? Oui, je m'appelle Tof, monsieur. C'est pas ici, hein. Ben non, Tof, c'est moi, monsieur. Ouais, ben je le sais, j'ai bien compris, monsieur. Allez, passez une bonne soirée. Hein. Oui, mais en fait, je vous appelle parce que... Allô? On dirait Gilou. Oui, ouais. T'as vu? Ah, il a un peu la voix de Gilou, dis donc. Bon, attends, on le rappelle. Je te sucerai les seins et tout, tu verras. Je te toucherai les seins et tout, tu verras. Je te sucerai les seins et tout, tu verras. Ouais. Ah, mais j'ai pas une fille. Vous abusez au petit con, là, ou quoi, là, monsieur? Mais non, pas du tout, je vous appelle parce qu'il y a pénurie de sperme en Belgique, monsieur. Et je reste pas en Belgique, je reste ici à Valenciennes. Oui, oui, d'accord, monsieur, mais c'est parce que, du coup, je voulais savoir si vous pouviez faire un petit don. Un petit don, j'ai pas d'argent, et... Mais non, un don de... Et tu as pas de droit, là. Non, un don de sperme, monsieur. Oui, non, mais vous rigolez, non? Mais pas du tout, monsieur. Allez, passez une bonne soirée, hein. Mais oui, d'accord, mais pour le don, alors, monsieur, pour les Belges. Non, non, y a rien du tout, vous avez fait une mauvaise erreur, et c'est tout, allez, au revoir. Mais hein. Pas du tout, monsieur, je voulais... Faites un petit don. Oh, c'est vrai, il pourrait être cool quand même là. Ben oui. En plus, je sais pas qui a donné le numéro de téléphone de ce monsieur, mais c'est vrai qu'on demande toujours le numéro de téléphone de gens qui s'énervent un petit peu, et puis surtout de gens debout à cette heure-ci. Donc on est parfait là. Ça va être le grand-père de quelqu'un, je sais pas. Bon, on va le rappeler encore une fois. Hein. Non, il doit pas être si vieux que ça. Non, je sais pas. Ben non, il... En tout cas, on appelle à Valenciennes, ça c'est sûr. Il a dit moi, je reste pas, je reste à Valenciennes. Allez. Ah, il est au chômage. Peut-être. Ah, non, il l'a dit. Ah, il l'a dit. Ah oui, ah, bon, alors d'accord. Bon, c'est la fin, mais. Allez. Allez vous faire voir, monsieur. Mais enfin, madame, pourquoi vous dites ça? Parfait. Eh ben voilà, je pense qu'on peut pas terminer mieux, là. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Sur ma vie, je te nique ta mère. Voilà, et pour terminer, Didier avec nous, Didier? Ouais, je suis là. Ouais, très bien, Didier. Donc, termine, donc, l'amour en extérieur. C'est toi qui avais lancé le débat, c'est toi qui le termine. Apparemment, il y a du lourd pour finir. Alors? Eh ben alors, pour finir, je vais pas tout vous raconter, sinon on va en passer la soirée, là. Ouais, bah alors, non, effectivement. Je vous raconte l'essentiel, bah, vas-y. L'essentiel, c'est dans le TGV, en fait. Vas-y, vas-y. J'ai pris le dernier train le soir, c'était avec ma copine, mon ex, quoi. Ouais. Et nous étions posés dans le train, il y avait peut-être 8 à 10 personnes, quoi, plus nous. Et nous, on a pris le coin tout au fond. Le coin tranquille. Ouais, le coin tranquille, nous sommes posés peinards. Et là, elle commence à m'embrasser, elle me chauffe et tout. Et bah moi, je joue au jeu. Je lui dis, mais attention, fais gaffe, nous sommes dans le train, viens, on va dans les toilettes. Elle me dit, non, c'est crade dans les toilettes et tout. Ouais, alors que là, c'était propre. Ouais, dans le train, voilà. C'est toujours propre. Et je lui dis, et là, tu crois que là, on est bien là? Elle me dit, bah, ils sont en train de dormir, vu que c'était le soir, c'était le dernier train le soir. Ouais. Et là, nous sommes tranquilles, et comment? Et là, elle baisse mon froid, elle commence à me sucer bien là, j'étais bien. Et là, j'ai oublié que j'étais dans le train, voilà, le problème, j'ai oublié que j'étais dans le train, j'ai fait un petit cri. Ah. Et ce que j'ai... Il s'y croit encore là. Il en jouit encore. Non mais ça c'était qu'une début encore, c'était même pas encore le moment de dire. Et là, il y a une dame qui se lève, elle se lève comme si elle allait aux toilettes. Pourtant, elle venait regarder ce qui s'est passé. Et vu que ma copine, elle était tellement chaude, elle n'a pas arrêté. Bah non, elle a raison, tant qu'à faire. Bah oui, oui, c'est clair. La dame, elle vient, elle dit, eh mais bon, vous êtes dans le train. Ma copine lui répond, et alors, si t'as pas eu la chance de le faire pendant ta jeunesse, laisse-moi en profiter. Et là, ça m'a encore donné... Et là il a terminé, il a mis litres et litres et des litres partout dans le wagon. Voilà, c'est ça. Il a retapissé le wagon, dis donc. C'est là maintenant qu'on a commencé. Du coup, je l'ai mis à genoux sur les décelles. Je me dis, bam, bam, ça faisait des bruits. Personne n'osait se donner. Tu m'étonnes. Bon, bah, bon moment, quoi. Bon moment. Ouais, c'était super. Quand bon, bah, très bien. Bah, voilà, nos amis de SNCF sont toujours là. Ils sont en retard, mais au moins, tu peux profiter des commodités. Tu lui as cassé la noix de coco, hein. Exactement. Ah, ouais. Les rondelles. Je l'ai monté les rondelles. Ah, voilà. Bon, bah, merci Didier d'être passé. En tout cas, tu reviens quand tu veux. D'accord. Bonne soirée à vous. Salut Didier. Salut. Ah, oula, excuse-moi, je t'ai un petit peu coupé. C'est parti. Bon, on va on va terminer avec Jean-Pierre Sauzère et puis juste après, eh bien, il y aura évidemment Polo contre le reste du monde. Ah, ça siffle, c'est Jean-Pierre. Ça siffle, il est de retour. Bien Jean-Pierre Chauvert. Ouais, ça hey, va. Ça va? Salut, ouais. Bon, en forme, Jean-Pierre? Bah, en forme, bien sûr, pour le bon. 7, hein, El Paso. Ah, bah le 7, alors El Paso, tu viens, hein? Bah, y'a pas de problème, bien sûr que je viens. Bon, bah alors impeccable, parce que ça décompte là, hein. On est dans deux semaines, on y est, hein. Ouais, mais y en aura d'autres de concerts après. Oui, non, bah on va déjà faire le premier, ce sera bah, déjà oui, pas mal. Ouais. Ce sera déjà pas mal. Okay. Bon, Jean-Pierre, des nouvelles musiques qui arrivent là ou pas? Bah, ouais, j'aurais peut-être une nouvelle chanson à t'envoyer la semaine prochaine. Ah, remasteriser tout ça? Non, mais sur mon album que t'as pas encore eu. Bah, non, je l'ai pas encore eu. Comment ça se fait que je l'ai pas encore eu? Bah, parce que j'ai pas tout envoyé. Ah, bah oui, d'accord, ok, bah ceci explique cela voilà. Alors, très bien. Parfait. Sinon, on pourrait préparer une émission sur le paranormal avec le monsieur que je connais des droits avec, de l'homme. Avec. Ah, mais comment il s'appelle? Monsieur des droits de l'homme. Ah, il s'appelle ça. Monsieur des droits de l'homme. Voilà. D'accord, ok, mais pourquoi le paranormal et le monsieur des droits de l'homme, quel rapport? Non, mais parce qu'il s'intéresse au paranormal et tout ça. Donc, tu m'as dit que tu connaissais Igor et Grashka. Ah, Igor et Grashka. D'accord. Ouais, voilà. Oui, non, mais bien sûr. Non, ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un projet. Hein, puis voilà. Bah, bien sûr, mais on va projeter on ça. Va, et voilà. Puis, Jean-Pierre Petit, que j'ai jamais rencontré, j'aimerais que tu l'invites, lui. Jean-Pierre Petit? Ah, on connaît ouais. Monsieur Grand, nous. Ouais, moi, j'ai le grand, mais le petit moyen. Mais bah, bon, ouais, après, on va. De toute façon, on va discuter de ça le 7, quoi qu'il arrive. Hein. On est sur très affaire. Bah évidemment, ça. Évidemment, sinon, évidemment. Ouais. Tu peux me produire toi ou Max? Un des deux. Plutôt Max. Ouais, Max, il est bon. Hein? Il est bon producteur. Ouais, et Michael, puis après il est pas si bon. Non mais on c'est cherche un producteur donc. Ouais, bah Max. Bah, non, t'avais pas. Je dis ça parce que je voudrais que tu me passes. Je cherche un producteur. Eh bah oui, mais là je le passerai la semaine prochaine parce que là il y a le polo contre le reste du monde. Eh, Jean-Pierre, toi faut pas te le demander parce qu'il organise une kermesse. Ouais, au boudin, une kermesse au boudin. Voilà. Je voudrais savoir si tu veux pas venir chanter à sa kermesse. Bah, non, attends, on va des billets de tombola. Non, mais si c'est payé, t'y vas quand même. Non, je chante pas au kermesse. Non, bah, mais si c'est payé. Non, même. Ah, même si c'est payé. Ouais. Mais il y aura le maire et tout, hein. Non, à la Courneuve, si tu veux. Ah bon, d'accord, ok, bon, je pensais alors. Bon, Jean-Pierre, dimanche, ouais. Tu nous fais une petite chanson? Non, mais tu peux en passer un petit extrait de moi, là. Ouais, non, mais d'accord, mais dimanche, tu nous fais une petite chanson, dimanche. Bah dimanche Pour inviter les auditeurs à venir le 7 là pour qu'ils visent un avant-goût. Je t'enverrai une chanson puis bon voilà. Bah très bien. Bah d'accord, ok. Par téléphone, j'ai arrêté ça. Bon ah d'accord, ok. Pourquoi c'est l'image? C'est mauvais comme le son non, est mauvais. Non mais je ne chante pas par téléphone non. Ouais parce que le son est mauvais. Non mais parce que ça m'intéresse pas de chanter par téléphone. Ah voilà. Ça t'intéresse parce que les auditeurs sont demandeurs, hein, c'est dommage. Moi je chante avec un orchestre derrière, voilà. Avec un orchestre, d'accord, ok, très bien. Ah non mais très bien. Mais Passio, tu viens avec ton orchestre? Non mais il y aura la musique. Non voilà je chante avec le monde playback voilà. Ah avec le playback. Ah en playback. Ah bah non. Mais non mais je chante en direct évidemment mais il y a la bonne orchestre je veux dire. Ah il y a la bande orchestre, d'accord, ok, bon bah très bien, alors ça me rassure. Parfait, bon Jean-Pierre, merci beaucoup. Hein. Bah, merci à vous tous, puis je vous souhaite une bonne nuit. Hein. Et avec plaisir, et Jean-Pierre Sauzère officiel hein, sur Facebook. Voilà. Et n'oubliez pas le 7 à El Paso. Ouais, le 7 à El Paso, où ça, à con Pienne. Exactement, salut JP. Salut. Allez, ciao. Bon, on se fait Jean-Pierre contre le reste du monde. Polo contre le reste du monde. Polo contre le reste du monde. Attention, mesdames et messieurs, c'est parti. Cette grande et magnifique émission qui dure 5 minutes. Et Dieu merci, ne dure pas une minute de plus. Parce qu'après, il y a du son d'Enflore. Évidemment, à passer. Avec notre ami JB. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. Et je suis là pendant quelques minutes. Donc profitez-en, puisque bientôt c'est le week-end. On y va, vous savez que ce soir c'est libre. Hein. Je vous laisse faire ce que vous voulez, n'hésitez pas. C'est open bar. C'est ça, c'est open bar. Allô, qui es-tu? Mike? Mike? Bon, allez, casse-toi, putain. Paul, Stéphanie? Oui, bonsoir. Salut, Stéphanie. Ça va? Bon, je t'écoute. C'est libre. Moi, j'ai été acheter des sous-vêtements sexy aujourd'hui. C'est génial. Oh là là, on s'en fout un peu. C'est comme si tu me dis... C'est comme... Stéphanie? Oui. C'est comme si tu me dis, j'ai acheté du fromage et du beurre. Bon, c'est quand même joli, des sous-vêtements. Je préfère le beurre, moi. Xavier? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je me suis fait sucer il y a 2 ans dans les toilettes d'un hôpital. Et d'accord, ça s'est passé comment? Bien. Bien, ça c'est bon, c'est parfait alors. Greg, dans Polo contre ouais. Écoute. Je cherche une nymphomane. Tu cherches quoi? Une nympho. Et pourquoi tu viens me voir moi? Et tu penses que j'ai un... Ben genre ça n'a pas le... D'accord. Là, ben ouais. Je viens pas te voir toi. D'accord, bah oui, parce que je suis pas d'info, tu sais. Quoi, attends, encore bien. Ok, merci Greg. Xavier, dans Polo oui. Contre le reste du monde, je t'écoute. J'ai fait l'amour dans une forêt. Quoi? J'ai fait l'amour dans une forêt. Et donc, comment ça s'est passé? Raconte-moi. Bah, très bien. Bon, d'accord, mais c'est génial. Les mecs, ils appellent. Genre. Alors, vous êtes toujours dans Polo contre le reste du monde. Jean-Bide Sauzère. Polo. Ouais, Polo. Je t'écoute, Jean-Bide. Ouais, voilà, en fait, moi je voulais te dire, l'autre c'est de la merde, hein, tu fais. Donc voilà, moi je peux faire des chansons, pareil. Attends, hey, Jean-Bide Sauzère, ouais. le mec des droits de l'homme, c'est Jean, c'est Monsieur Labitte. Ouais, ouais, tu connais Monsieur Labitte. Oh putain, oh, je suis sur le cul là que tu connais Monsieur Labitte. Jean-Bide, qu'est-ce que tu veux? On va avoir des problèmes. Non, mais je voulais te dire que hey, on les passe après, Jean-Pierre Sauzère, c'est de la merde, moi. Moi je suis la version 2.0 de Jean-Pierre Sauzère. Et donc, c'est la version améliorée. Voilà, c'est ça. Donc moi, il n'y a pas de soucis. Attends deux secondes, Jean-Bide. Mike, 30 ans. Mike. Oh, bah, les dégâts. Il vient de Liège. Je sais pas si c'est un lien, mais il est un peu bête. Stéphanie, tu as acheté un peu de lingerie, dis-moi. Oui, de la lingerie sexy, en pensant à toi. D'accord. Faudra qu'on l'utilise ensemble. Ah, non, mais je ne mets pas de lingerie, tu sais, je mets des slibards ou des caleçons. Ah, bah, c'est bien, mais là. Moi. Bah, c'est bien, parfait. Xavier. Oui. Ouais, je t'écoute, Xavier. Qu'est-ce qu'elle se passe de Zoïde avec un attaché caisse? De quoi? Oh, il a un problème, t'as un problème de respiration, Greg. Ouais. Je t'écoute. Ouais, j'arrive plus à parler, il me faut trop rire, les sièges, non? Les quoi? Les sièges. Les sièges. Les sièges. Les sièges. Ouais, les sièges. Le 16. Le 16. Bon allez, casse-toi. Jean-Bide Sauzère, je t'écoute. Ouais, Polo. Ouais. Donc ouais, je voulais savoir si c'est possible, je viens de chanter au El Patio. Au El Pabo, non, c'est ça? Non, El Patio, c'est au El Patio que vous allez, tu peux faire un petit extrait, Jean-Bide? Non, moi je chante pas par téléphone. Moi j'ai arrêté de chanter par téléphone. C'est de la merde de chanter par téléphone. Jean-Bide. Moi Jean-Bide. Je viens de chanter avec l'orchestre, ouais. Bah, allez, chante. Non, je chante pas. On dirait un animateur du radio. Ouais. Bon, Jean-Bide. Ouais. Bon, deux secondes. Stéphanie. Oui, il sort quand l'album de Jean-Pierre Sauzère? Je sais pas. Bon, t'as acheté de la lingerie, du beurre, et puis t'as acheté quoi d'autre? Des épinards. Des yaourts. J'avais acheté du beurre. T'as pas acheté de beurre? Non, j'ai acheté du lubrifiant, un sextoys. Et un pied de porc. Ouais, aussi, ouais. Bon, merci Stéphanie. Xavier. Oui. Je t'écoute. Déjà vu, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Oh là là. C'est improbable. Bon, Stéphanie, pour terminer ce Polo contre le reste, le dernier de la semaine d'ailleurs. Polo contre le reste du monde. Stéphanie. Bah, j'ai envie de sexe. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, viens. Quand là, maintenant là? Bah, ouais. Bon, j'arrive. Xavier, pour terminer. Oui. Ouais. Bon. Allô? Oui. T'as du mal avec le téléphone, hein? Un peu, ouais. Bon, allez, dégage d'ici pour terminer. Jean-Bide Sauzère. Ouais, Polo. Ouais, Jean-Bide. Ouais, alors c'est bon hein, pour le El Patio? Bah, quoi, c'est bon? Bah, je peux venir chanter. Mais fais un extrait, là. Jean-Bide, je veux bien, mais fais-nous un extrait, là. Non, mais tu dégages l'autre. Mais je vais t'envoyer mon album. Alors, Jean-Bide. Sur mon album. Jean-Bide, t'es en train d'insinuer que Jean-Pierre est un escroc, c'est ça? Non, c'est juste que c'est de la merde et que bon, c'est un ringard, quoi. Chante, Jean-Bide. Non, je chante pas, moi, je t'envoie mon album si tu veux. Mais j'en veux pas de ton album, je veux juste que tu chantes. Parce que là, je fais des nouveaux arrangements et tout, tu vas voir, ça va être vachement bien. Bon, Jean-Bide. Ouais. Vas-y. Non, je chante pas. Jean-Bide. Je chante pas par téléphone, moi, j'ai dit je chantais plus par téléphone, c'est fini. Bon, et tu veux pas qu'on fasse une émission paranormale? Non, moi, je veux qu'on fasse une émission paranorbite. Bon, Jean-Bide, je te dis au revoir. D'accord, mais pour le El Patio alors. Je t'emmerde. Ainsi s'achève le Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui ont participé, Jean-Bide, etc., etc. Et on se retrouve normalement, si tout se passe, dimanche. Voilà, dimanche. Merci. Soir. Et avec grand plaisir. Merci pour ce moment qui m'est octroyé tous les soirs. Écoute, avec grand plaisir, justement. Et on embrasse Jean-Bide Fauzère aussi. Bon, on va se faire le générique de fin, là, avant de partir, évidemment, comme chaque soir. Et puis on aura le top tweetos également, là, dès que Toff sera prêt. Top tweetos. Eh ben alors allons-y, c'était le numéro 3 qui gagnait ce soir. Quel est le numéro 5? Alors, je ne suis pas prêt. Mais si, je suis prêt. Tu n'es jamais prêt. Numéro 5. Minable. Ringard. Oh putain, ça marche fort. Numéro 5. Alors, Axel. Numéro 4. Le Prince Nadia. Numéro 2. Magda. Numéro 1, Let's Be Freaks. Et le numéro 3 gagnant, sauf si ce gagnant a déjà gagné, à ce moment-là on prendra le 4ème ou le 5ème ou le 6ème, enfin bref, jusqu'à ce qu'on ait un gagnant. Non, c'est a priori c'est un nouveau, c'est Cédric. D'accord. Mais qui est le manager de Event Paradise. Ok. Je ne sais pas ce que c'est Event Paradise. Eh ben qui vient de repartir avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment, très bien. Générique de fin les amis, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger quand t'encules ton nom toute la journée. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Sur ma vie, je te nique ta mère. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Ce gros connard va te faire enculer. Oh, espèce de connard. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, écoute-moi, espèce de petit con. C'est quoi ton problème? Que veux-tu? Ils sont canadiens. Tu te m'habites? Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Toi l'enculé de la SNCF. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, taf, se suce, c'est toi l'enculé. T'es un enculeur. Et toi t'es un enculé. Un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Et ben voilà, merci Lou comme d'habitude. Merci à notre ami de la SNCF d'être passé nous voir ce soir. Ben, c'était cool, hein, merci de passer. Merci à vous. Et ben voilà, tu reviens quand tu veux. Et puis t'hésites pas à coller Polo si tu le vois dans le train. Ouais. Paf, PV, tu mets double dose. Allez. Double dose. Et quand il te donne son pass Navigo, tu le déchires. Et votre papier, il est où, monsieur? Il est cassé, c'est bon. Hein, il est où votre ticket là, hein, pauvre con là? Et hop. Hop, on appelle la police. Bon allez, bon week-end tout le monde. Merci d'avoir été très nombreux ce soir sur le Facebook, le Twitter. Merci d'avoir fait péter le standard. C'est cool. C'est bon ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est là qu'on sent que ça va bien. Et ben, c'est là qu'on sent que ça va bien. Et puis on remettra le couvert dès dimanche, bien sûr, à partir de 20h sur Fun Radio. Bon week-end tout le monde. Tous les soirs, Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Et c'est notre ami JB la nuit qui va débarquer et pour éviter tout drame, on se barre, on revient dimanche. Non, non. Salut.